Est-ce que tu parles que tu vas être aux Dans Avengers? Dans deux semaines, je vais être aux Avengers, mais la semaine prochaine, je vais surtout ouais, tu fais aller. Partie des Avengers. Hey, boy, ah, ouais. Hey! Ouais, moi, ouais, moi aussi, Daniel, c'est Hulk, puis moi. Black Widow. Tu m'as pas vu dans mon soude de cuir sexy. Et... Alors, Luke, c'est Ant-Man. Il parle aux insectes dans son sous-sol. Après des godots. Ouais, c'est ça. Salut, ici Denis Talbot, Frank the Tank, Ian Richards, de l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Salutations tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Je vais gagner votre animateur et cette semaine on voit en double, double Luc. Luc Desormeaux, salut Luc. Salut Jean-Benoît, moi je cours et je repars. Donc, et l'autre Luc, l'invité, en tout cas, le présentera après. Daniel Carosella est avec nous, salut Daniel. Oh yeah, plus moi-même que jamais. Ça promet. Toi, d'habitude, t'es comme moins toi-même. Ah mais... oui. D'habitude, j'avoue, je suis un peu moins épais. Mais là, cette semaine, ça part fort. OK, parfait. Ah oui. Et Luduc, Luc Duchesne, qui est avec nous. Salut, Luduc. Hey, ça va bien. Ben oui, ça va très bien. Sauf quand je m'enfarge dans ma langue, quand je dis ton nom. Je peux m'appeler Ludaduc pour la soirée. Il n'y aura pas de problème, ça va me faire plaisir. Luduc, qu'on connaît pour sa chaîne sur YouTube. Juste rapidement, là, dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais sur YouTube. Pourquoi qu'on te connaît? Là, les gens me connaissent parce que nous, de notre côté, notre mandat, c'est qu'on visite des événements ludiques, on fait des reportages sur place. C'est semi-informatif, semi-humoristique. On a bien du fun. Les gens aiment nous rencontrer. Si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter luduc.tv. On a quelque chose comme 3 shows qu'on run directement sur cette chaîne-là. 3 tweets sur Twitch entre 2 vidéos et les reportages de Luduc. C'est à ne pas manquer si vous voulez vous dilater à la rate tout en vous informant en même temps. C'est la place où aller. Meilleure convention ever, le j'ai animé où est-ce qu'on s'est croisé et de loin, hein, clairement. Puis, contrairement à la légende populaire, j'ai pas été grassement payé par Luc Biron, soit dit en passant. Non, c'est vrai. Faut le préciser. C'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. OK, parfait. On va commencer avec les wins, les fails et wins de cette semaine. Je pense que Luc, tu pouvais pas. Ça va être mêlant, là. J'ai hâte qu'il y en ait un qui débarque. Ben, dis Luc puis Luduc, ça marche. OK, c'est bon. Luduc. Voilà. D'un bord, Luc de l'autre. Ou dis le fatigant de service. Oui, je vais répondre. Il y a plus de syllabes. Ouais. Peut-être. Ouais. Fait que là, Luc, tu voulais nous parler de Star Wars qui ont lancé un trailer. Je suis rien que venu pour ça. Ouais. Mais tu peux pas t'en passer. T'es tellement un maniaque de cette série-là. Ah, écoute. La semaine passée, je plantais la sortie des anciennes versions de Star Wars sur la plateforme numérique. Puis je me disais pourquoi encore les acheter. Aujourd'hui, c'est le Celebration, le Star Wars Celebration qui commence en Californie. Puis, ils ont parti ça fort en nous présentant la bande-annonce, celle qui va être attachée à Avengers à partir du 1er mai. Là, c'est que si vous allez voir Avengers en salle, vous allez voir cette bande-annonce-là qui va être attachée avec avant le film. D'ailleurs, on va faire un show spécial The Avengers avec pas moi parce que je ne l'aurais pas vu, mais vous autres, les boys, vous allez faire ça. Je vous mets ça entre les mains. Ouais, ça va aller après parce que moi, je vais voir les Avengers et le lendemain, je pars pour la Jamaïque. Pas grave, il y aura un spécial. On fera ça après. Mais c'est ça. Et donc, ils nous ont présenté le prochain, le trailer un peu plus long. Là, avant, c'était vraiment un teaser. Là, c'est vraiment plus une bande-annonce du prochain Star Wars qui sort au mois de décembre. Et oh ma foi, j'avais les frissons quand j'ai regardé ça. Vraiment, je sais pas ceux qui l'ont vu. Vous allez probablement avoir les mêmes sensations que moi. Ça a été pas mal général selon ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. La réaction est pas mal, pour citer Marilyn, que tout le monde connaît pas mal, c'est « Oh my God, oh my God, oh my God ». Donc, ça a été pas mal ça. Best citation ever. Ouais. Luc, je veux pas te couper non plus, mais c'est ça aussi l'apparition de certains personnages assez mythiques. On veut pas dévoiler le punch là, pour les personnes qui l'ont un pas punch vu. Dans un ouais. Trip. Écoute, ben ouais, on ferait ça. Voyons. On peut quand même dire un peu ce qu'il y a dedans parce que ça reste une bande-annonce. Mais on voit, oui, certains personnages mythiques. On voit R2-D2, on voit C-3PO. Pas C-3PO, mais on va voir Han Solo, on va voir Chewbacca. On voit pas Luc, on entend Luc parler. Mais on voit pas Luc. On voit les prochains personnages. Ouais, encore un autre Luc. Ouais. On voit aussi les nouveaux personnages qu'on ne connaît pas encore, qu'on va connaître en regardant le film. Puis on voit aussi le nouveau Seigneur Sith qui va être dans ce film-là. Donc, beaucoup d'action, beaucoup de choses. Moi, il y a une scène en particulier, je vais vous laisser la découvrir. Il y a une scène en particulier qui m'a donné le frisson dans pas la bande d'un trailer. T'sais. Mais quand même, ça fait partie de l'expérience de voir un trailer pour la première fois. Mais, avertissement, j'ai quand même trippé quand j'ai vu la bande-annonce pour Star Wars épisode 1. Et quand j'ai vu le film, la balloune s'est dégonflée. Mais, bon, je garde quand même espoir. Mais que... sans pas savoir pourquoi! Misa aimerait ça effacer ça de ma mémoire. Mais ça reste que ça a l'air vraiment excellent. Remarquez bien les petits détails. Regardez-le plus qu'une fois si vous êtes un fan, parce que la première scène se passe dans le désert où on voit un speeder genre se promener dans le désert. Et dans... au fond, il y a vraiment quelque chose d'énorme qu'on peut pas manquer. Mais si on regarde plus en avant, je me demandais, ouais, c'est quoi que je vois? Ça avait l'air d'un cadavre de bibitte, comme un peu on a vu dans le premier Star Wars, quand C-3PO arrive sous Tatooine, puis il y a une espèce de gros cadavre de serpent qui est là. Mais on voit d'autres choses à l'avant-plan, puis ça nous donne un peu l'idée, puis l'ampleur que la guerre entre l'Empire puis la Rébellion avait pris dans les films avant, des scènes qu'on n'a pas vues, des batailles qu'on n'a pas vues non plus. Ça augure très bien. Si vous n'avez pas vu la bande-annonce, vous vivez probablement en dessous d'une roche. Ou moi, je ne l'ai pas vu et je ne veux pas avoir. Ou vous n'aviez pas accès à Internet, ou vous avez volontairement pas voulu voir la bande-annonce. Mais ça vaut vraiment la peine. Si le film vous excite un peu puis ça ne vous dérange pas d'avoir une petite idée de ce que ça a l'air, on ne brûle pas de punch dans le film. Moi, j'ai juste vu La Menace Fantôme. Je ne sais pas pourquoi que j'aime pas tant Star Wars. Je ne sais pas si ça a un lien. Non, peut-être pas. Sinon, je pense que ça n'a aucun rapport. Mais c'est parti des mauvaises bases. Ouais, c'est ça. C'est parti des mauvaises bases. Ça a mal parti, mon affaire. Ouais. Mais non, franchement, ça augure très bien. J'avais hâte pour le 17 décembre, j'ai encore plus hâte pour le 17 décembre. Je veux juste dire une affaire. En tout cas, vous le verrez dans la bande-annonce, le casque de V2 est particulièrement résistant au feu. C'est la conclusion à laquelle j'en suis venu. Ouais, c'est exactement ce que je voulais pas parler dans la scène. Tu viens de brûler le punch du trailer que je voulais pas brûler. Mais bon, OK. J'ai pas dit comment, j'ai pas dit pourquoi, j'ai pas dit... Dans le fond, j'ai rien dit. Oui, t'as dit des affaires. Ouais. Mais ce sont pas les informations que vous cherchez. Il y a un casque. Non, mais... C'est ça. Mets ton doigt en avant des yeux du monde, dit ce n'est pas... Daniel n'a rien dit. Daniel n'a rien dit. Ouais, Jedi, Daniel n'a rien dit. Hey, là, non, oui. On va lâcher sur Star Wars en même pas 5 minutes. Là. On voit le casque de Vader. Puis ça c'est un des moments dans la bande-annonce que j'ai fait. Oh my God. God. Okay. J'ai été un peu surpris, honnêtement. Je m'attendais pas à ça. Non, mais c'est bien fait. J'ai hâte de voir où ils vont aller avec ça. Puis surtout, fait que ta note sur 10, Luc. Qui retrouve? Ah, pour la bande-annonce, un 8.5 sur 10. Non, non. Mais non, ça donne plus juste le goût de voir le film. C'est une grosse nouvelle. Hey, même sur le show de... c'est qui l'après-midi à 98.5, Paul Arcand. Il en parlait. Hein, fait que pour que ça en fasse parler sur le show de Paulude, il faut que ça soit quelque chose de big. Fait que allez voir ça si vous l'avez pas vu, si ça vous tente de le voir. Sinon, si vous allez voir les Avengers, fermez vos yeux parce que ça va jouer avant le film. Puis bonne chance si d'ici le mois de décembre, vous êtes capable de pas le voir. Mais c'était vraiment bien. Fait que c'est ça. Moi, je vous laisse là-dessus. Bye! Salut! Le chien te réclame. Bye! Ouais, le chien me réclame. Faites qu'à leurs hormones sur Twitter si vous voulez jaser avec Luc. Puis, avoir du fun pour jaser Star Wars. Il est là. Il est tout le temps prêt. Bye! Yes, sir. OK, bye tout le monde. Salut! Bye! Continue dans les fails. Daniel, t'avais un petit truc? Ben oui, parce que là, on vient pas vraiment de parler de fails. Non, c'est un win, là, ça. Ben, ah, oui. Mais en même temps, là, moi, j'écoute pas de trailer. Je veux pas y voir parce que les films que je voudrais voir, les trailers, je sais déjà que je veux voir le film. Donc, la fonction première d'un trailer, c'est de te vendre l'idée d'aller voir le film. Si tu as déjà le goût, ça sert à rien. Ça s'annule. Moi, ce que j'aime, là, c'est qu'on est tout énervé, tout, et JB nous ramène vraiment sur terre. Oui, c'est quand... oui, clairement. Ah, ouais. On commence à parler d'une bande-annonce, puis là, JB fait comme « non, non, non, non, non ». Non. La minute. Puis, écoute, j'ai toujours l'argument de Dark Knight Rises. Ouais. Ah oui, avec le la scène du stade de football. Si je l'avais pas vu dans le trailer, j'aurais quand même capoté sur ben, waouh, il est donc ben intense. Puis là, ben, 4 minutes avant le début de l'explosion, je savais déjà qu'il y aurait une explosion. Je l'avais vu dans le trailer! Fâche-toi pas, là. Oui, frustration. Bon. OK. Fail, Daniel, vas-y. Ben là, je suis un petit peu peur de le dire. Ben, bref, je vais le dire pareil. OK. Mortal Kombat X est sorti cette semaine. C'est loin d'être un fail, ce jeu-là. Il y aura une critique qui s'en viendra parce que je l'ai reçu cette semaine avec le Blu-ray de Mortal Kombat Legacy. Merci à Warner de m'avoir envoyé ça. Donc, mais la critique de Mortal Kombat X s'en vient au grand plaisir de Jerry, ton co-animateur de... C'est-tu Jerry ou c'est JS? En tout cas, bref, whatever. Un de ces gars-là là, qui voulait une critique, fait que ça sera à venir. Ceci étant dit, Mortal Kombat X, c'est le premier jeu de la série Mortal Kombat qui a été lancé autant sur console que sur PC en même temps. Et la version PC a comme eu des petits ratés. C'est rendu, en tout cas, c'est apprécié, puis c'est rendu une espèce de mode de maintenant pouvoir télécharger un jeu puis d'y jouer pendant qu'il télécharge. On avait commencé à voir ça sur Xbox One plutôt. Bon, là, c'est rendu un peu un standard que vous jouez sur PS4, Xbox One ou PC. Le problème avec Mortal Kombat X, c'est que quand vous l'achetez sur Steam, on vous dit « Ah oui, mais tu peux commencer à y jouer dès que le téléchargement démarre. » Et c'est pas tout à fait vrai. En fait, vous allez partir le jeu et il va planter tout de suite. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... Parce qu'il n'est pas installé, bâtard! Ouais, mais c'est pas rien que ça, tu sais. Tu sais, quand il n'est pas totalement installé, tu peux aller dans certaines parties et tout. Puis d'ailleurs, si les parties ne sont pas accessibles, le menu où tu peux accéder à certaines choses va juste être bloqué le temps que le jeu se finisse de se télécharger puis de s'installer. Mais là, dans Mortal Kombat X, c'est pas ça. C'est qu'on donne l'impression que c'est installé puis ça ne l'est pas. Et le problème, c'est que tu ne peux pas savoir où en est rendue l'installation. En tout cas, pas de façon très simple. Il faut vraiment que tu ailles dans Steam, il faut que tu ailles dans les fichiers du jeu. Et là, tu vas voir 19 fichiers et tu vas finir par voir finalement qu'est-ce qui est installé puis qu'est-ce qui n'est pas installé. Ceci étant dit, même en faisant ça, il te manque quand même 2 fichiers qui sont affichés. Donc, je me rappelle bien, je pense que c'est le fichier 11 et 15 en tout cas, ce qui fait en sorte que tu n'as aucune idée où l'installation est rendue. Donc, tu n'as aucune idée de ce à quoi tu peux jouer. Donc, tu es mieux d'attendre que tout soit installé. Oui, c'est pas super, c'était pas super bien, disons, planifié, là, cette sortie-là sur PC. C'est pour ça que c'est un peu un fail. C'est pas un grand fail. Le jeu est excellent. Si vous y avez pas joué, très, très graphique, là. C'est probablement le jeu le plus graphique de la franchise. Les Brutalities puis les Fatalities sont... en tout cas... Fait que toi, Luduc, tu joues-tu à ça, ce genre de jeu-là, les Mortal Kombat? Ben pas vraiment. Je te dirais que jamais été fan de jeux de combat. Le seul qui m'a vraiment accroché, ça a été la franchise Super Smash Bros. Que tout le monde connaît. Mais on peut-tu pas encore parler de jeux de combat? Dans le cas de Smash Bros. C'est comme la ligne est mince, là. Oui, c'est ça. En gros, c'est pas le même gameplay, on s'entendra. T'sais, c'est pas comme Street Fighter, c'est pas comme Tekken, c'est pas comme Mortal Kombat. Mais le genre de jeu de combat, je me souviens avoir déjà essayé Mortal Kombat une fois dans ma vie, quelques fois dans ma vie. Puis je sais pas, on dirait que l'univers et tout, ça m'accrochait moins. Mais tu sais, c'est encore là, c'est à titre personnel. Moi, c'est les combos, là. C'est de se rappeler toutes les combinaisons. Je suis plus capable. Là, c'est ça qui me fait décrocher. Moi, vas-y. Quand on me demande, moi, de faire AB, cercle haut, à bas, cercle, puis Ryu se ramasse à jouer du piano, là, non, je suis pas... on dirait que j'ai de la misère. Là, c'est de se souvenir de toutes ces combinaisons-là pour tous les bonhommes dans tous les jeux. Mm. Puis, tu sais, pour être compétitif, on s'entend, si t'es pas un Chinois que 4 bras, c'est impossible. Là. Non, là. Mais le seul qui peut se rapprocher à Mortal Kombat qui m'a vraiment accroché, ça serait peut-être la franchise Marvel vs. Capcom, qui était vraiment excellente. Je sais pas, jamais mis la main. Moi, c'est comme c'est le premier. Là. Puis c'est Mortal Kombat que j'ai joué, c'est tout. Là. Non, ok. Loin, creux. Dans ta grotte. Je suis branché sur un dynamo, puis c'est une chèvre qui tire la corde. T'habites en campagne, la seule activité, c'est avec un âne, là, tu sais. Tu le regardes, c'est tout. Oh, j'ai eu des pensées un non, peu. Non, je me suis rattrapé tout de suite. J'ai fait comme, oh non, ça va penser croche. Non, on rattrape tout de suite. Hey, vas-tu comme passer à d'autres choses, moi, d'autres sujets? Parce que j'ai le goût justement de faire un lien avec ça. Parce que j'ai tombé sur un article. Non, ben, de trucs louches sexuels. OK. C'est le site internet chrisnews.org qui relate. Écoute, j'étais sûr au début que c'était un faux site de nouvelles à la Journal de Montréal. Puis disait ces affaires-là, la Pravda. Oui, ben oui. Et non. C'est un vrai site catholique et il y a un pasteur américain qui s'appelle Creflo Dollar. Déjà en partant, son nom est juste épique. Qui dit que l'homosexualité des nombreux adolescents de la génération 85-95 est en raison d'un dessin animé des jeux vidéo Pokémon. Lui, là, il y a une ancienne théorie, là, tout ça, là, c'est à cause de ça. Il dit, Bulbasaur, ça rappelle le sein maternel. Après ça, il y a des Pokémon avec des formes phalliques. Ah oui, Bulbasaur, il se flatte régulièrement la bedaine puis la queue. Là, c'est comme, OK. Et le top du top, Mew, tu sais, le 101e Pokémon, c'est, dit-il, la représentation parfaite du troisième sexe, donc le androgyne qui n'est pas tout à fait un homme, pas tout à fait une femme. Ben je oui, capotais. Non. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, ben voyons là, il me niaise jusqu'à ce que je voie vraiment la vidéo du pasteur en question, une vidéo qui est disponible sur YouTube, ça date du 8 avril, cherchez ça, Creflo Dollar. Ben oui, puis Squirtle, c'est quoi la représentation de la femme fontaine? Oui, d'accord. Probablement. Mais oui. Moi, c'est à Pokémon à forme phallique, c'est quoi? Les bananes, c'est une incitation à l'homosexualité. Tu sais, c'est comme, rendu là, il y a tellement des légumes. La palourde royale est une incitation à l'homosexualité. Des kiwis des hommes. Non, c'est ça. Ben, mais, c'est vrai. Là, ouais, non. C'est ça. Il faut juste penser aussi que Pokémon a été beaucoup attaqué par de nombreux regroupements religieux parce que plusieurs disaient un paquet de choses. Si jamais vous voulez être plus informé, je vous conseille fortement d'aller voir Didino Gaming. À un moment donné, ils ont fait un reportage sur Pokémon versus les conflits religieux ou quelque chose du genre. Et ça relate toutes les reproches qui avaient été donnés sur cette franchise-là et qui étaient vraiment mais exagérés mais de toutes pièces. Donc parfois les gens vont chercher la bibitte. Ah oui, ils vont vraiment loin. Avec tellement rien. Si vous saviez le nombre de choses que je voyais dans ce reportage-là, puis j'en revenais pas, j'étais comme ben voyons donc. C'est à voir. On a juste à penser à la plainte que la PETA avait faite là envers Pokémon ou même Mario là, parce qu'on disait que mon Dieu Mario tue des ratons laveurs là. À un moment donné, c'est n'importe quoi. Un costume de raton laveur. Ah oui. Bien, il y avait aussi eu un organisme afro-américaine qui avait porté plainte pour le fait que Jinx dans la version japonaise était noire et avait des lèvres des grosses lèvres et donnait comme un gros stéréotype pour les Afro-Américains. Nintendo Amérique ont pas eu le choix de changer la couleur du Pokémon Jinx. Je pense que c'était pour un mauve, quelque chose du genre, ou un gris pâle, quelque chose du tellement genre. Mieux. Ouais. Mais là, toi, Luduc, là, quand est-ce ta dernière activité homosexuelle en raison des Pokémon? Oh boy! premièrement, il n'y en a pas eu, puis je pense pas qu'il y en aille. Ce qui est une bonne réponse, selon moi. Mais genre de site internet qui dit « Game of Thrones, voici les 6 raisons pourquoi boycotter cette série en raison de ses messages sataniques. » Là, tu fais comme « OK, là. » Je pense que c'est un peu exagéré. Je sais pas pourquoi. Il y a comme des symboles qui me disent que « Ouais, fais attention. » Sujet principal du show aujourd'hui, moi, j'avais le goût. Écoute, je vous explique comment c'est arrivé, OK? Luduc, Daniel, vous êtes peut-être pas au courant, mais la gang de Les Geeks sont parmi nous. Tu connais les Geeks sont parmi nous, Luduc? Ben t'as participé au show? Ben oui, de très bons amis en plus. Ah, ben, t'es fin de dire ça quand c'est pas vrai, mais bon, OK. Non, mais c'est ça. ça paraît super bien. Ils ont fait un show et ils ont la semaine passée, ils parlaient de John Wick et ils ont fait leur top 5 de films d'action. Et là, moi, sur Facebook, j'ai fait comme, hey, ça serait cool de faire l'équivalent, mais pour les films de super-héros. Mm-hmm. Grosse discussion. La gang de Podcast et Gumballoon, est-ce que tu les connais? Oui, ben oui, je les ai rencontrés au Comic-Con de Montréal une fois. Exactement. Eux ont repris ça, cette thématique-là. Ils ont jasé deux super-héros. Fait que moi, j'ai fait comme, hey, c'est moi qui ai lancé l'idée, qui a repris l'idée de... Fait que je leur fais mon show. Voilà. Qui c'est qu'on poursuit, là? C'est compliqué, mais on met les avocats là-dessus. On va trouver, là, il y a une passe de cash à faire avec ça. Ah, tu vas trouver. En plus, ils sont pas chers, les avocats, cette année, là. Non, c'est ça, le deal. Hey. Ah, c'est ça où... Oui, c'est ça. C'est ça où JB va m'envoyer. Ouais, c'est ça. Ouais, mais monsieur criminel. Péter des dents, là. Fait que là, ben, j'ai le goût qu'on refasse un petit peu cette thématique-là ensemble, qu'on jase de super-héros, les bons, les mauvais, en décollant avec nos top 5 respectifs de films de super-héros. Puis après ça, il y a une couple de questions là, qu'on peut se poser, puis on a... écoute, on a tout le temps qu'on veut pour aborder le sujet en long et en large. À la fin, là, il va rester plus rien. Il faut tout avoir traversé. J'espère que tu as pensé à checker aussi les séries télé. C'est intéressant que tu dises ça. Oui, ça peut être quelque chose à aborder. En tout cas, on se met ça en stand-by. En stand-by pour écoute, ça. Je me prends une note. Série télé. Parce qu'il commence à en avoir de plus en plus. On se les cache pas. Là. Tu fais ce quand tu prends des notes. Mais je fais exprès pour qu'on l'entende. Il touche les touches avec. Voyons, il pogne les touches avec ses pouces, là, tu sais. Ouais. Ou avec son poing, fait que ça fait genre. Flick, schlick. Rush the truth. Mais c'est correct. JB se comprend dans sa tête. Ben, exactement. Honneur à notre invité, Luduc. On va faire chacun nos 5, 4, 3, tu sais, en alternance, là. Fait que Luduc, décolle avec ta 5e position, puis explique un petit peu c'est quoi le film, puis pourquoi tu l'aimes, pourquoi tu le classes si haut, puis en tout cas. Ok, tout cas, ben, j'ai le principe d'un top 5. Numéro 5. Numéro 5. Et le numéro 5, moi j'ai décidé d'y aller avec Iron Man, le tout premier. Le tout premier parce que c'est qu'est-ce qui a débuté la Marvel Cinematic Universe, ce qui nous a fait découvrir Robert Downey Jr. dans son dans sa splendeur et où on découvre une sorte de film de super-héros qui est un nouveau genre finalement. Ça a été comme le début de ça a été un petit peu le début de la vague des films de super-héros qui était sa coche puis qui venait dépasser les films des débuts 2000 qu'on a connus comme Daredevil ou bien la franchise de Spider-Man de Sam Raimi. Pour une fois, on voyait quelque chose de nouveau qui était un petit peu plus sérieux, mais qui amenait aussi le côté d'Iron Man et qui nous faisait connaître un personnage qui est tout aussi moi, de mon côté, je suis attaché à Tony Stark depuis que je connais Robert Downey Jr. qui l'incarne. Comme si UF Man avait genre un suit cybernétique qui lançait des rayons laser. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Mais là, c'est ça amène l'histoire de Tony Stark depuis son enlèvement jusqu'à sa découverte du costume d'Iron Man. Et on découvre ça, ce qui était une première pour. Excuse-moi, pour les films de super-héros, parce que normalement, ce qu'on voyait, c'était tout le temps comme du monde qui avait des pouvoirs, des affaires de même. Mais là, Marvel s'est comme tourné en disant « Ouais, mais si on en faisait un qui avait pas de pouvoir? » Fait que c'est pour ça que le numéro 5, je le donne directement au premier Iron Man. OK, c'est intéressant. C'est plate que le deuxième avait pas d'auteur, là, mais non, bon. Non, c'est ça. Le deuxième, à part la brillante performance de... Attends, mais là, je cherche le nom. Le gars qui fait le De wrestler, là? Non, pas le wrestler, non? Mais celui qui fait le concurrent d'armes, là, Sam. Je vais chercher le nom, je vous reviens avec le nom. Ouais, en tout cas. Ben, bon, lui, là. Ouais, lui. Daniel, toi de ton bord. Numéro 5. C'est une bonne question, surtout que là, je suis en train de chercher mon top que je t'avais donné, là. Fait que, vas-y donc avec le tien. Modifier? Ben, moi, je vais commencer extrêmement fort. Je me doute qu'il est peut-être plus haut dans vos palmarès à vous autres. Mais bon, comme, tu sais, vous avez moins de goût que moi, vous avez pas compris, en tout cas. cinquième place, The Avengers. Ouais. Je le mets si loin que ça. C'est pas cinquième. Un si haut, je le mets si loin que ça parce que mon top est vraiment comme top là. Okay, ouais. Et The Avengers, c'est le Marvel Universe, la première vague qui culmine vers ça. On a vu l'Origin Story et pour moi, je suis un peu tanné de l'Origin Story parce que je les connais. les personnages et de voir que on n'avait pas besoin de me présenter les personnages, que là on me présentait vraiment une aventure, tu sais, au lieu de me présenter le début que je connais déjà et qu'on a peut-être un petit peu revampé ou modifié. Et c'est un petit peu comme le Super Bowl du super-héros, tu sais. Ouais. C'est flamboyant, c'est Hulk, c'est Iron Man, c'est Thor, c'est Captain America, c'est tout ce monde-là avec des faux super-héros genre Black Widow puis l'autre qui tire des flèches Hawkeye qui est comme dans le camp ennemi, tu sais. Oui, pis... oui, les gars, je connais ça, les super-héros! J'en suis un! J'en suis un, ouais! Donc, tu sais, c'est comme vraiment le Super Bowl, puis écoute, la performance incroyable du méchant Tom Hiddleston dans le rôle du frère de Thor. Écoute, j'ai un blanc de son nom. Lucky. J'en ai connu ça, les super-héros, les boys! OK, c'est bon. Je suis un peu troublé, là, en ce moment. Donc, pour moi, numéro 5, pour toutes ces bonnes raisons. Et voilà. Daniel, t'as-tu retrouvé ta liste? Oui, j'ai retrouvé ma liste, mais je me rends compte que... C'est de la boîte, hein? T'as pas de jugement, on n'est pas là pour juger, vas-y. Non, mais en fait, cette liste-là, je l'avais faite un peu rapidement, puis je me rends compte qu'il y a un choix, entre autres, que je ne mettrais pas dans mon top 5, plutôt dans mon top 10. Et c'est Thor, d'ailleurs, vous me l'avez agréablement dit, merci. On t'avait tellement jugé. Ben oui, un petit peu, hein. J'en ai pensé à d'autres. Moi, j'aurais mis V for Vendetta, mais là, ça a l'air que c'est pas vraiment un film de super-héros. On va y revenir à cette affaire-là. Garde ça en banque. Mais. Justicier masqué. C'est quoi la limite d'un super-héros? Hey, on fait le top 5 avant, c'est ma première question. Non, après, mais là. Attends, parce c'est que bon, c'est bon. Moi, j'aurais mis comme numéro 5, j'ai adoré ce film-là, puis à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi la différence entre un film de super-héros puis un soi-disant film basé sur un comic book? Je veux dire, le gars vit, c'est vrai qu'il n'y a pas de super-pouvoir, comme Batman d'ailleurs en a pas, mais il y a des motivations, je veux dire, quand il se bat pas qu'à peu près, tu sais, je veux dire, il sauve la veuve et l'orpheline, là. Donc, tu sais, je voyais pas vraiment où était la différence. Ceci étant dit, si on veut vraiment aller avec les puristes, là... Il sauve la veuve et l'orpheline, mais après avoir tué leurs parents, genre... Non? Pas V, mais non, pas... Non, V, fait pas ça? Là, toi. Ben non, il en sauve d'un viol au début. Ah, OK. Ah oui, J'ai pas vu le film, mais je connais un petit peu la réputation du personnage d'être extrêmement sadique, donc... Tant que moi, ce serait comme dans sa ligne de pensée, là. Tes parents sont corrompus! Non, je te rassure tout de suite. Mais, il est sadique dans le sens qu'à un moment donné, il fait vraiment passer à la fille une épreuve qui est vraiment inhumaine, mais ça, c'est pour un peu forger la rebelle qu'elle va être. Ça, c'est tandis. Bon, si on veut aller avec les puristes, moi, je vais mettre le Batman de 1989 de Tim Burton. Donc Schumacher, je vais y revenir, mais plus tard, mais pas pour les bonnes raisons. Fait que, oui, avec Michael Keaton. D'ailleurs, j'ai revu aussitôt que la semaine dernière, c'est le retour de Batman, Batman Returns, le deuxième avec la Michelle Pfeiffer et... Avec Danny DeVito. Et Danny DeVito. D'ailleurs, Michelle Pfeiffer en femme chat... C'est du solide. Ceci étant dit, moi, je mets quand même le premier Batman en numéro un, pas tant pour Jack Nicholson, qui, oui, a fait un très bon Joker, tout comme Heath Ledger, mais c'est, faut le dire, à part les Superman, les bons films de super-héros à l'époque, il n'y en avait pas eu tant que ça. Puis je pense que Tim Burton a bien fait. T'sais, c'est un univers très sombre, comme l'univers de Batman l'est, mais dans un petit peu la folie, je dirais burlesque, mais en même temps très noir de Tim Burton. C'est un film qui se réécoute très bien encore aujourd'hui. Michael Keaton a incarné un Batman extrêmement crédible. Puis d'ailleurs, ce que j'ai aimé, c'est ce qu'on avait implanté dans le tout premier Batman, c'est que Batman, à l'origine, qu'est-ce qui fait sa réputation? C'est la peur qui insuffle dans ses ennemis. On l'a vu dans Batman Begins, mais la première scène où on voit Batman dans le Batman de 1989, c'est une scène où, justement, on voit l'ombre de Batman dans de la fumée. Et là, on va les appeler les truands, ont vraiment peur de l'image qu'ils voient. Et ça, ça transpose très, très bien la bande dessinée. Donc, pour moi, le Batman de 1989 est un classique dans le genre. Puis c'est pour ça que je le mets dans mon top 5. On est loin du chess mou bleu par bleu poudre de la série des années 60. Je te reviens aussi avec le fait qu'il y a eu des mamelons à un moment donné sur les costumes. Je reviens avec ça. Et des cartes de crédit. J'y reviens. Numéro 4, Luduc. Le numéro 4, attends une minute, je ressors ma... J'étais parti, moi. Là. Le numéro 4, va y aller pour X-Men Days of Future Past. Ouais, très le bon. Le dernier des X-Men que, moi, de mon côté, je l'ai bien aimé. Ouais, et stade de football dans les airs qui vole, j'ai comme... non, j'ai comme décroché. C'est comme décroché too much power, là. Moi, j'ai trouvé que ça a été la solution miracle pour réparer les erreurs de Brett Ratner. Si on pense à X-Men 3, si on pense à X-Men Wolverine Origin, tout ça s'est enlevé. C'est comme si, mettons, Days of Future Past faisait « OK, on avoue, X-Men 3, c'était de la chenoute. Tout ça, c'était de la chenoute. On veut réparer ça. Notre solution, la voilà. X-Men Days of Future Past. Okay. » Il y a tellement d'acronismes, de trucs qui ne fonctionnent pas dans la chronologie. En tout cas, je sais que c'est une affaire que j'ai beaucoup entendu parler, là. Ouais, non, c'est ça, moi je n'ai pas entendu parler, mais. Non, ok. Non, c'est ça, ben. En gros, je suis en train de chercher des arguments, là, puis c'est pour ça que je zozote, là, mais. Non, mais sérieusement, moi je l'avais bien aimé parce que ça venait ressembler beaucoup des X-Men qu'on a connus. Et le dernier X-Men où ce que j'ai le plus trippé, ça a été X-Men 2. X-Men 2 Stryker, William Stryker. Oui. Qui était selon moi un des meilleurs, qui était un très très bon film d'X-Men. Oui. Le premier X-Men, il y a beaucoup de CGI qui paraît beaucoup. Le deuxième est pas mal moins épais, puis on dirait qu'ils ont amené une bonne sauce qui faisait en sorte que ça balançait bien. Puis le pourquoi je l'écoutais souvent, c'est que ça passait souvent à super écran. Fait que, X-Men au cinéma, il y a beaucoup de très très haut, il y a beaucoup de très très bas. Oui, ça c'est très vrai. Je dois être un des seuls qui a aimé Origins. The Wolverine Origins? Ouais. Ok. Pourtant, il y a eu un très bon. je suis pas en train de te juger. Non, mais ça, il y a eu des bons calls de Origins. Mais je trouvais que. Je sais pas, on dirait que ça manquait quelque chose ou bien. Peut-être à cause qu'il essayait d'intégrer le plus de personnages possible sans... Mais moi, j'ai tellement trippé sur la performance de Liev Schreiber là, en Sabretooth. Oui, OK. Il y a la gueule. Là, c'était écœurant. Hein. Pour moi, il faisait le film à lui tout seul. Ça, j'aime beaucoup Hugh Jackman en Wolverine, mais Liev Schreiber, là... Mais par contre, la seule chose que je pourrais peut-être déplorer par rapport au film, c'est le fait que pendant les annonces du film, il y avait beaucoup annoncé le héros, là, comment il s'appelle donc? Deadpool? Jérémy. Non? Pas Deadpool, mais... Il fait une apparition très, très remarquable pour une mauvaise raison. Deadpool, en lui faisant fermer la bouche, que je n'ai jamais compris. Mais je fais mon JB là, en ce moment, je cherche un nom. Oui, je sais. Celui qui est capable de faire carboniser des cartes à jouer, là, comment il s'appelle donc? Gambit. C'est ça. T'sais, pendant toutes les bandes annonces qu'on montrait, qu'est-ce que JB... Il va être là! T'sais, genre, il n'arrêtait pas de montrer des scènes et tout. Mais au final, à quoi qu'on s'attendait? À juste 5 minutes de Gambit pendant tout le film. C'est tout. Il va juste le porter Wolverine à une place, puis ça finit là. Puis encore, tu sais, dans la fameuse scène de combat dans la ruelle, quand il y a Wolverine puis Sabretooth, à un moment donné, Gambit se met entre les deux, puis ça a comme pas vraiment rapport. Non, là, c'est ça. Tu sais, il est juste là pour faire le beau, puis ça finit là. D'ailleurs, il s'appelle Rémi Lebeau. Il y a un lien ici. Daniel, ton numéro 4. Le numéro 4, c'est le numéro 5 de Luduc que je vais mettre le premier Iron Man. Je me rappelle très bien quand on est allé le voir au cinéma, on était une gang, puis on s'est dit, OK, l'ère des nouveaux films de super-héros est partie à ce moment-là. Je pensais que c'était parti avec le premier Spider-Man de Sam Raimi, mais on a senti avec Iron Man que c'était élevé à un autre niveau. Ouais. J'ai adoré ce film-là. Je le réécoute encore aujourd'hui. Puis, en fait, je te dirais même que ma copine a commencé à apprécier les films de super-héros. En fait, elle a commencé par Thor, mais bon, disons que l'acteur a joué pour... On ne sait pas pourquoi. C'est ça. Et voilà. Mais Iron Man, quand elle l'a écouté, elle l'a revu encore, puis elle a dit, tu sais, c'est un film qui se réécoute encore super bien. C'est un film qui est très, très accrocheur. C'est pas juste un film de super-héros. C'est pas un bon film de super-héros. C'est un bon film tout court. Oui, tout à fait. Puis Jeff Bridges, dans le rôle du gentil qui devient méchant, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ben, c'est un acteur que j'adore, là. Ben oui, c'est ça. Bridges, mais je trouvais qu'il avait la gueule de l'emploi. Puis je trouve qu'on a quand même bien scénarisé puis bien mis à l'écran les origines de Iron Man, dans le désert et tout. Ça a quand même un lien avec les vraies origines de ce super-héros-là. Donc, pour moi, c'est Iron Man, le premier, mon numéro 4. Mais bien modernisé. Ah, ben, mais tu sais, je me rappelle plus, il sortait en quelle année, Iron Man? C'était pas 2006-2007? Ben... ça doit faire au moins 7 ans. 7-8 ans. Iron Man 2008. 2008. Donc 7 ans. Puis 7 ans plus tard, si vous le réécoutez, vous allez avoir encore autant de plaisir. Là. Oui, oui, exact. C'est super bon. Fait que, ouais, numéro 4. Mon numéro 4, The Guardians of the Galaxy. C'est Ouais. Non, c'est pas vrai. Ouais. Vas-y. Vas-y. On te respecte dans ton choix. Ce que j'aime dans ce film-là, c'est que c'est. Oui, c'est un bon film. Oui, il y a plein de bons insides. Oui, écoute, c'est un bon divertissement. C'est drôle, c'est le fun, OK? Ce que j'aime surtout, mais c'est même pas le film en tant que tel, c'est ce que ça démontre de Marvel, c'est que la formule fonctionne, puis ils peuvent faire à peu près n'importe quoi avec n'importe quelle boîte obscure, puis te le vendre. Ouais, c'est ça. Ils sont capables de chaîner une boule de caca jusqu'à ce que ça ait l'air à de l'or. Mais James Gunn, qui est le réalisateur de ce film-là, a fait une super drôle. Ah, c'est incroyable. Et il a avoué en entrevue que c'était un grand fan de Guardians of the Galaxy, puis même qu'il s'est amusé à rajouter un paquet d'Easter eggs dans le film, et des Easter eggs qui ont été expliqués plus tard lorsque le film a sorti. Parce que c'était trop obscur que les fanboys les trouvent. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand c'est rendu qu'on montre des références à Howard the Duck. Oui. Oh. Howard the Duck qui a eu côté cinématographique, qui a simplement eu un film dans les années 90. Puis ça a été un flop. Ça avait été réalisé par Steven Spielberg, je pense. Non, c'est pas George Lucas. Ça se peut. Il s'est planté. Ouais, il s'est planté anyway. Fait que, non, c'est ça. Puis, Howard the Duck, on l'a plus jamais revu. Fait que, c'est pour ça le fait de le ramener, je trouvais ça bon parce que, tu sais, en effet, c'est supposé être un alien, ça, là. Mm-hmm. Mais ce que j'aime dans ça, c'est que tout a été pensé. Puis, écoute, tu viens de le dire avec les Easter eggs, mais juste comme le raton laveur, à un moment donné, il est saoul, il est d'un bord, puis tu vois qu'il pleure sa vie. Il dit, c'est pas de ma faute, là, j'ai-tu demandé à avoir des expériences? Puis là, tu vois le dos qui est tout comme massacré. Il y a eu des expériences, il y a toutes des cicatrices. Tu fais comme, OK, en deux phrases, tu viens de me dépeindre un background incroyable pour un raton laveur. Ça marche. Mais... je sais pas. Moi, j'étais avec Luc quand on est allé le voir grâce à Subway Canada. D'ailleurs, petite plug, c'est grâce à eux qu'on va aller voir Avengers aussi. Quand j'ai vu Thanos, oui, j'ai capoté. C'était un nuage. C'est le fun, ça. Non. Non, mais j'ai capoté. Écoute, tout de l'univers Marvel là, était résumé en un sourire. Tu sais, quand il sourit, là... À la fin d'Avengers... Non, mais dans Gardien de la Galaxie, quand il parle à... Oui, c'est là qu'on le voit vraiment. Là. Oui, tu sais, on le voit, bon, il tourne sur son trône. Mais quand il... désolé, je me rappelle plus là, du nom du méchant là, de Gardien de la Galaxie. Celui qui est vraiment poche, là. Oui, celui qui a un gros marteau. Là, le Imo, là. Ouais, c'est ça. Ouais, le IMO. Mais quand il finit de parler, tout, tu vois, la caméra se recule, puis Thanos fait vraiment un gros sourire. Et ça, c'est pareil au sourire de Thanos dans les bandes dessinées. J'ai capoté quand j'ai vu cette scène-là. Mais l'affaire avec Gardien de la Galaxie, puis je peux te comprendre, JB, là, au-delà de toute blague, là, c'est que ça a tellement créé une surprise. L'été dernier, t'sais, personne voyait venir ce film-là. T'sais, tout le monde t'a dit Arc, Gardien de la Galaxie, univers obscur de Marvel, personne connaît ça, ça va être pourri. Puis finalement, là, ça les a ramenés à la vie. Oh, oui. Puis ce que j'aime, écoute, vous connaissez, là, vous commencez à connaître là, les gens qui me connaissent, là, ma haine des trailers là, que je veux pas voir, mais j'avais vu le trailer de Guardian of the Galaxy, puis ils montrent tellement rien, tellement peu de choses. Puis en plus, ce trailer-là, la scène de la prison, puis on donne comme leur fiche analytique de chacun, c'est pas dans le film. En fait, comme elle est présentée dans le trailer, elle est pas dans le film parce qu'il manque un des personnages, puis à ce moment-là, ils sont pas reconnus comme étant les gardiens de la galaxie. Ça veut donc dire que intelligemment, on a monté un trailer en ajoutant des éléments pour ne pas devoir présenter des trucs du film. Même dans la mise en marché, c'était fait intelligemment. Et ça, pour moi, ça vaut une quatrième place. Oui. Ah oui, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, ça mérite cette place. Troisième position, et j'ai le goût de changer l'ordre. Daniel, vas-y. Je viens de vous prendre par surprise. Je vous tiens sur le bout de vos chaises. Tu m'écœures. Des cliffhangers de même, j'en veux mieux. Écoute, je vais mettre ton numéro 5, The Avengers. Non, ce n'est pas mon numéro 2 ni mon numéro 1. Mon numéro 1 est un grand, grand souvenir d'enfance. Mais pour moi, The Avengers, en fait, pour moi, c'est l'accomplissement d'un énorme défi. Parce que si Josh Whedon s'était planté avec ça, et ça aurait été pas mal dur à rattraper. Lui, il y a une job pas pire après. Ouais, ça, je te coupe un petit peu là-dessus, Daniel, mais Avengers était aussi mon top 3. Ah, OK. Fait bon. Ça se rejoint parfaitement. Mais, tu sais, The Avengers, c'était un méchant défi parce qu'on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu de réunion comme ça de héros. Et ce que j'ai aussi aimé dans Avengers, c'est que ça, vraiment, là, tous les liens tissés entre les univers de Marvel qu'on nous a présentés jusqu'à ce moment-là étaient parfaitement imbriqué. C'est sûr, tu sais, c'était clair que si t'avais pas vu les autres films de Marvel, qu'on pense à Thor, qu'on pense à Iron Man, à Captain America, tu pouvais pas tout comprendre dans le film. Et c'est ce que, pour moi, c'est ce qui a fait le brio du travail de Josh Whedon. Luc, t'as des commentaires supplémentaires là-dessus, vu que toi aussi, c'est ton top 3? Ouais, ben, c'est ça, moi, de mon côté, je vais dire, comme Daniel disait, Joss Whedon a fait une vraiment belle job. Déjà que j'ai trouvé que Joss Whedon a fait un très beau travail pour des séries comme Firefly ou bien Buffy the Vampire Slayer. Il y a déjà une bonne réputation, déjà en partant. Donc, le fait d'y avoir confié Avengers, selon moi, c'était déjà du bien cuit. On était sûr d'avoir un produit de qualité. En effet, il y avait un gros risque. Le fait d'avoir autant de super-héros, il y a eu beaucoup de franchises de films qui ont eu ce problème-là, mais à mettre trop de super-méchants. Mais encore là, c'est à cause que le problème était qu'il y avait comme trop de backstory. Ce qui faisait en sorte qu'à la fin, ça finissait comme un melting pot des affaires de même. Eh bien, c'est pas le cas de Avengers qui a pu créer son backstory directement dans d'autres films. Donc, si les fans de Marvel, des films de Marvel avaient vu les films, eh bien, ils pouvaient passer cette partie-là et pouvoir écouter Avengers sans problème. Et, ouais. Comme le dit Daniel, ben c'est ça vient nous donner comme un paquet de références. Il y a un paquet de personnages qui apparaissent. Là, on parle de Tom Hiddleston qui a fait une super belle performance et de Mark Ruffalo aussi qui a repris le rôle de Hulk qui était fait par Edward Norton et voilà. C'est pas n'importe qui non plus, hein, au cinéma, tu sais. Non, c'est ça. Edward Norton, j'avais trouvé bonne sa prestation de Incredible Hulk, sauf qu'il était moins coloré que Mark Ruffalo, par contre. Mm-hmm. C'est la seule chose que j'ai à dire. Le pire, c'est que tout le monde avait peur de Mark Ruffalo. C'était l'élément que les gens étaient craintifs. Puis, dans tous les trailers, j'en reviens encore, on nous le présentait pas. C'était la surprise du film, comment est-ce qu'il serait le Hulk, c'est quoi la dynamique de ce personnage-là. Tout ce qu'on voyait dans le trailer, c'est « Moi, j'ai une armée, nous autres, on a un Hulk. » That's it, c'était tout. Puis écoute, ça représentait bien le personnage, l'essence de comment on le présentait dans et ce voilà, film-là. On montre un personnage hyper pacifique, hyper calme, mais que finalement, il est tout le temps il est tout le temps dans la grosse rage puis tout. Fait que mon secret, c'est que je suis tout le temps. Ouais, c'est ça. Ce bout-là, je m'en fous pas. Mais c'est pas grave. C'était awesome comme scène. Mon numéro 3, Batman The Dark Knight, Heath Ledger. Je pense que ce film-là se résume en deux mots, Heath Ledger. C'est tout simplement. Il a fait pour moi le meilleur Joker de l'histoire et je suis pas tout seul à le penser. Il est dans le top 5 des meilleurs vilains de l'histoire du cinéma de bien des gens à côté de, exemple, Dark Vader, tu sais, un inconnu, là. Et ce film-là, c'est la psychologie, c'est l'acting, c'est tout ce que j'aime de Batman, l'univers sombre, tout ce que j'aime du Joker, il est juste malade, son tour de magique, le crayon avec la mafia, tu fais comme « Ah, ok, c'est comme le pince sans rire, le détraqué, le nombre de fois qu'il raconte comment est-ce qu'il y a eu ses cicatrices dans le visage, puis c'est jamais la même affaire, puis c'est toujours... tu y crois à chaque fois, puis à chaque fois le suspense est énorme parce qu'il raconte jamais ça quand ça va bien. Fait que, tout est presque parfait dans ce film-là. Et d'ailleurs, un petit hommage à Heath Ledger qui aujourd'hui est mort. Mm-hmm. Est mort, ben là, selon ce qui avait été mentionné dans les articles, je sais pas si c'est quelque chose de fondé par contre, c'est que c'était une surdose de médicaments par rapport à. Des problèmes d'anxiété, je crois. Ouais, puis ça a l'air qu'il n'arrivait pas à décrocher du personnage. Ouais, c'est ça que j'avais entendu dire, mais j'osais pas trop me prononcer au cas où. Mais c'est ça que j'avais entendu dire, moi, avec. Puis, tu sais, sachant le personnage, c'est on souhaite bonne chance de... à Jared Leto. Mais c'est de reprendre, tu sais, Jack Nicholson le faisait d'une superbe façon. Il y avait la version des bandes dessinées qui était écœurante aussi, faite par Luke Skywalker, Fat Luke. Et, ah oui, Fat Luke. HB. Ah, je suis méchant. Et tu sais, t'as tellement de références à ce personnage-là. Et lui, il l'a eu d'une approche complètement différente, ouais. Plus dark, plus réaliste. Et écoute, ça fonctionne, ça fonctionne à merveille. C'est ça, il n'y avait pas le choix avec Christopher Nolan. Oui, et ben pour moi, ça fait le film. Troisième place. Non, je peux rien dire. Non, non plus. Je serais d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que le Dark Knight soit vraiment dans ton top 5. Mais je peux rien dire pour une autre raison. Ah. OK. Numéro 2. Numéro 2. Je vais y aller avec mon numéro 2. Question de vous surprendre, encore une fois. C'est donc parce que tu veux parler plus longtemps. Oui, non, je sais. Unbreakable. Hey, avec Bruce Willis. Avec Bruce Willis. Ouais. Et Sam Jackson. Non, Jackson. Oui, Samuel L. Jackson. Ouais. C'est quoi ce film-là? C'est l'histoire d'un nobody qui prend le train un jour, qui déraille, il est tout seul à survivre, il n'y a aucune égratignure. Ça part de là. C'est un film qui est lourd, c'est un film qui est lent, c'est un film où est-ce qu'il se dit pas grand-chose. D'ailleurs, je l'avais écouté avec ma conjointe, puis elle a détesté. Et là, t'as un personnage qui apparaît qui dit « Moi, je tripe ces super-héros, puis écoute, votre histoire me fait penser à telle affaire. » Puis il y a une analyse, il y a une méta-analyse du super-héros dans ce film-là, jusqu'à ce que tu découvres le punch de la fin. Et finalement, c'est un origin story de super-héros. C'est pas pour tout le monde Unbreakable. Non, exact. Non, en effet. J'en conviens. Mais pour moi, moi là, en tant que petit cul, je rêve d'être un super-héros depuis que je suis conscient que ça existe. T'sais, depuis que je suis conscient qu'un être humain, ça a des limites puis qu'il y a du monde, supposément, qui ont les capacités extraordinaires. J'en veux. Je veux être un super-héros. On veut tout être un super-héros. Et là, ça me le présentait comme si ça pouvait être moi. Bon, ben, JB, veux-tu qu'on t'aide à dérailler un train? Ou... Non, ça va. C'est bon. Ça va aller. Puis, moi, là, dans la vie, là, je suis jamais malade. Jamais, jamais, jamais malade. Et il y a une scène qui il demande à la secrétaire Jean de la Job, ouais, c'est quand la dernière fois que j'ai pris un congé maladie? Puis là, la fille, elle fait comme, ben, en tout cas, pas dans le dernier mois, pas dans la dernière année. Écoute, je pense que tu n'en as pas pris depuis que tu travailles ici, mais là, on peut pas te payer tes vacances. C'est comme, ça rattrape genre le fait comme, non, tu demandes pourquoi tu demandes ça, là, pour qu'on te paye toutes tes journées-là. Là, non, on n'a pas l'argent, t'es un repas. Ouais, c'est à peu près ça. C'est tellement comme réaliste. Puis écoute, moi, j'ai adoré, j'ai embarqué dans ce principe de film-là. Et ça a fait rêver le petit cul en moi, tout le temps massant mon cerveau d'adulte qui regardait un excellent film. Mais il y a une scène dans Unbreakable qui m'avait marqué. À un moment donné, je pense que c'est dans une station, je sais pas si c'est une gare ou une station de métro, puis là, le monde le touche, puis il ressent toute la douleur des gens. Oui. J'ai capoté. L'empathie, là, puis là, il découvre ses pouvoirs de cette façon-là, puis que... Ouais. C'est un gars qui est distant avec tout le monde. T'sais, à un moment donné, t'as une scène, t'es dans la cuisine, y a la femme qui est d'un bord, t'as lui qui est de l'autre bord, puis tu vois que sont censés se jaser de reprendre leur couple parce qu'ils habitent encore ensemble, mais ils couchent plus dans la même pièce. C'est toutes les sépare, puis c'est parce que la femme peut pas déménager qu'ils sont, t'sais, ils tiennent ça comme si de rien n'était, puis leur fils lui met la main ensemble pour qu'il y ait de l'air à s'aimer, mais puis il est censé avoir une scène de réconciliation, mais ils se disent rien. Mm-hmm. Puis tu fais comme, ok, je comprends le malaise. Tu sais, tout se passe dans les respires, dans les regards, dans leur gestuelle. En tout cas, moi, j'ai capoté. C'est un excellent film, c'est un excellent suspense, mais c'est clairement pas pour tout le monde. Ben, c'est, disons, le film avant l'espèce de petite déchéance de M. Night Shyamalan. Oui, exactement. Puis c'est loin d'être un party movie. Là. Ah oui! Ça se fait pas les fistbombs pour le cinéma après ce film-là. Non, non, tu sais, si ça va pas bien dans ta vie, écoute-les pas de suite. Ouais, c'est ça. Lou, comment perdre son mec en 10 jours, des trucs dans la vie. C'est plus léger. Plus léger, tu peux, oui. Oui, c'est ça. C'est pas pour tout le monde, ce film-là. C'est même pas Avengers ou peu importe les films qu'on a parlé avant. Là. Ça s'adresse à un certain public. C'est pas du grand public, c'est sûr. Non. Ludic, numéro 2. Mon numéro 2, le seul, l'unique, Green Lantern. C'est une joke. C'est oui, une joke. Okay. J'avais comme un malaise. Là. Tu peux voir la réaction. J'ai comme rien compris. C'est, j'ai peut-être vu le film, mais j'ai pas compris. Tu sais. T'as entendu Daniel, il avait oh. Oh, c'est parce qu'on disait bye-bye et puis on te laissait tomber. Genre, ton expertise ne valait plus rien. Non, c'est parce qu'en fait, je pratiquais mes voyelles. Non, c'est ça. Oh. Non, le vrai numéro 2, il a déjà été mentionné, c'est The Dark Knight. Que selon moi, ça a été une belle prestation. Ça a été le film qui a montré les vraies aptitudes de Heath Ledger et aussi la réalisation maître de Christopher Nolan sur ce film-là. On montre un côté plus réaliste du Joker, mais d'un côté manipulateur. Et on écoute le film, il y a un moment donné, dans le film, on a envie de prendre pour le Joker. Ah oui, tout à fait. Ce qui est carrément rare dans les films. Mm-hmm. Il y a beaucoup de films où on va s'attacher aux méchants. Je donne des exemples comme Lucky ou bien... Lucky. Mais tu vas jamais prendre pour lui. T'sais, non, tu prendras jamais pour lui, mais tu vas faire comme... Oh. Tu sais, pourquoi t'es méchant? Pourquoi t'es méchant? Ouais, c'est ça. J'ai le goût de faire chumé avec toi, mais je peux pas te truster. Non, c'est ça, t'es pas trustable. Ou bien, en ce moment, je suis en train d'écouter la série Daredevil. Et il y a le personnage Wilson Fisk qui, sérieusement, embarque dans mon top 3 des méchants les plus mémorables. Je vous dévoilerai pas de punch là, mais les personnes qui écoutent cette série là, Wilson Fisk a un don de la manipulation mais extrême. Qui est le Kingpin. Ouais, il est le Kingpin. C'est ça. C'est ça. Si jamais vous voulez voir. Je viens d'écouter le troisième épisode et il vient d'apparaître à la toute fin, puis tu y vois la face, puis tu fais comme shit. Là, tu regardes ça, puis la première fois que tu vois le Kingpin pour la première fois, tu fais comme... Attends, là, il est quoi? Il est immo? C'est quoi, là? Là, t'as comme peur un peu. Mais plus t'avances dans l'histoire, plus tu te rends compte que, oui, il y a un côté soft, mais oui, il y a un côté dur. J'en dis pas plus. Laisse là-dessus. Sur ce, je retourne à Dark Knight. Oui, c'est ça. Reviens. Je ferme la parenthèse. Ouais, donc Dark Knight, il n'y a rien d'autre à dire. Le mieux a été donné par JB. Qui parlait pas à côté, voyons donc. Non, c'est ça. Mais t'as déjà dit les meilleurs points. Fait que là-dessus, 10 sur 10 IGN. Rien d'autre à dire. Tu sais, IGN, j'avais déjà vu une joke hein, sur eux autres. C'est quoi? Et c'était « You can't spell ignorant without IGN ». Oh, retenez ça. Ouais. Je l'avais aimé, celle-là. Hey, voulais-tu savoir le mien? Ben oui, vas-y. Pourquoi je pouvais pas en parler au numéro 3? C'est parce que c'est mon numéro 2 aussi. C'est exactement pour ça. Oui, donc... je suis d'accord avec pas mal tout ce que vous Essaye avez dit. Essaye de rajouter des trucs sur ce film-là, voir. Ouais, OK, je vais en rajouter un. Monsieur Gibet, tu me mets au défi? Ben, vas-y. La fameuse scène de l'hôpital, quand il y a le Joker avec Two-Face, j'ai remarqué un détail, puis ça, c'est très, très récent là, que j'ai remarqué. Il tient la gâchette. Il tient la gâchette. Il n'aurait pas pu... il aurait pas pu le tuer à ce moment-là. Puis ça fait toute la beauté de... En fait, le Joker est un être excessivement complexe. C'est un être plein de paradoxes. Tu sais jamais ce qu'il va faire. Et justement, quand il dit, tu sais, j'ai-tu de l'air d'un gars avec un plan? Il y en avait un. Et pourtant, nous, tu sais, vous allez le voir une, deux, trois fois. Vous allez jamais remarquer ce petit détail-là. Là, on vous l'a dit tout bad, là. Mais... tu sais, nombre de fois que j'ai écouté The Dark Knight, j'avais jamais vu qu'il tenait la gâchette. Et ça donne une autre dimension à cette scène-là. Et ça donne une autre dimension au personnage aussi. Parce qu'il y a toujours un plan, mais il donne jamais l'impression d'en avoir un. Et tu sais, il y a toujours comme une espèce d'illusion d'improvisation dans ce qu'il fait, le Joker. Puis c'est ce qui le rend aussi intéressant dans The Dark Knight. Oui, il y a Heath Ledger, mais c'est sûr que lui, il a vraiment volé la vedette dans ce film-là, mais tout le reste, tous les acteurs, c'est un bel amalgame. Maggie Gyllenhaal, moi, personnellement, j'aimais mieux Cathy Holmes dans le premier film, pour différentes raisons. Mais... Moi aussi, personnellement. Non, ouais, c'est ça. C'est les mêmes différentes raisons que vous autres. C'est ça. Mais, tu sais, c'est une belle brochette d'acteurs. Là, désolé, j'ai encore un blanc, mais celui qui fait le deux faces, j'ai bien aimé. Tu vois vraiment... j'ai bien aimé sa prestation. Tu vois vraiment le côté Harvey Dent, tu sais, le défenseur, comparativement à quand il devient Deux-Face, là, quand il perd Rachel et quand son visage est vraiment massacré. C'est pas fidèle à la BD. Dans la BD, ça arrive pas comme ça. Mais c'est correct. La liberté ouais. qu'on s'est permis, c'est bien correct comme ça. Puis c'est ça, tu sais, il faut, tu sais, quand tu finis d'écouter le film, tu te dis « OK, pourquoi que ça s'appelait comme ça? » Ben, c'est ça. Le paradoxe entre le chevalier blanc et le chevalier noir. C'est un petit bijou, là, à tous les ouais. niveaux. Mm-hmm. Puis en même temps, le Two-Face n'avait pas été mentionné dans les bandes-annonces qui avaient passé. Non, c'est vrai. On voyait Harvey Dent, mais on le voyait tout le temps face complet. Mais il n'y avait aucun indice de Two-Face. Ce qui a fait une méchante grosse surprise pour les personnes qui ont écouté le film. Le seul petit reproche que j'aurais à ce film-là, c'est au niveau de la mort de Two-Face. Ouais. J'aurais peut-être pas fait mourir aussi vite. Non, surtout voyant ce qui est arrivé à l'autre personnage, parce que au personnage du Joker, à l'acteur, ça aurait pu être le méchant du 3, mais il avait tué deux. Ben, il en avait tué un, puis l'autre n'était plus disponible. Fait que tu pouvais pas. Tu comprends? C'était comme fermer les deux portes, mais tu pouvais pas retourner le film autant que ça, parce qu'il était rendu quand même relativement loin là, dans le tournage. Je pense qu'ils se sont fait pincer, puis ça a donné Bane, ce qui n'était pas un méchant, un méchant, là. Mais disons que le film, clairement, il est décousu par rapport au restant de la trilogie. Il fait plus de liens que le premier qu'avec le 2, puis tu sais, de la misère à fermer les boucles, je pense pas que c'était ce qu'on avait prévu. Je pense qu'il y avait une tag team qui était prévue. Quel méchant vous auriez préféré voir dans le troisième? Calendar ça. Man, non, c'est vrai. C'est tellement le méchant le plus merdier. Non, mais moi j'aurais vu le Riddler et j'aurais vu feu Robin Williams. Dans le Riddler, ouais, intéressant. Ou bien dernièrement, il y a eu Jim Parsons qui fait Sheldon de Big Bang Theory qui a avoué que s'il devait faire un méchant ou un super-héros, il aurait demandé à faire l'homme mystère, le Riddler. Le Riddler. Très intéressant. Il y en avait un. D'ailleurs, c'était une rumeur assez persistante. Encore une fois, j'ai un blanc avec ce nom d'acteur-là et il est décédé. Réalité augmentée, la place où est-ce qu'on a des blancs de mémoire. Ah oui, désolé. Mais quand je vais vous dire c'est qui, ben en tout cas, ça devait être qui, ça va peut-être vous dire de quoi. Le pingouin devait être interprété par, mon Dieu, il a remporté un Oscar pour un film là, il y a pas trop longtemps. Mais je pense qu'il est mort d'une overdose. Ah oui, c'est le gars de Mission Impossible 3 là. Oui, c'est ça. Exact, ouais. Pas plus son nom. Non, c'est ça. Fait que désolé, mais lui j'aurais aimé ça. J'aurais vraiment aimé ça si on est capable de retrouver son nom là. Je cherche. Puis le pire c'est tu sais, quand t'as la face de l'acteur, t'es comme « Ah ouais! » Philip Seymour Hoffman. Exactement. Tu sais, je l'avais, là. tu me faisais poireauter pour rien, hein, vous. Fait que, mais lui, j'aurais aimé ça le voir en pingouin, sérieusement. Mais le pingouin dans Gotham semble être intéressant aussi, là. Et oui. Celui qui le campe, oui. Mais j'ai pas vu Gotham encore, fait que je peux pas en parler. Moi, je l'ai vu. Moi, je me suis rendu à peu près jusqu'à l'épisode 14-15. T'as du courage, man! Oh, oui, ben je l'ai écouté parce que c'est vraiment à titre de passion. Mais on dirait que je suis rendu à un stade où je me dis, OK, on monte l'histoire de James Gordon, qui est le commissaire Gordon dans tous les Batman, son début. Mais on dirait que c'est comme on force l'entrée de nombreux personnages de l'univers de Batman. Ce qui est pas nécessairement bon. Parce que chronologiquement, ça veut dire qu'ils ont tous 15 ans de plus vieux que Batman, puis rien qu'attendre qu'ils meurent de vieillesse. Ben, c'est il n'y a ça. Plus de super-héros, là. Non, c'est ça. T'sais, en même temps, c'est comme bizarre. C'est ce qui a tué, moi, mon intérêt pour Smallville à un moment donné. C'est que... Smallville, en même temps, ça a été comme un méchant gros mélodrame de triangle amoureux pendant les 6 premières saisons. Ouais, mais après ça, tu sais, là, on s'est mis à avoir Zod qui était incarné par l'acteur qui faisait aussi Lex Luthor. Là, après ça, on a même vu Doomsday. Tu sais, puis là, j'étais comme, OK, là, on pitch tout, là. Non, tu sais, c'est pas comme ça que ça arrive. Puis je chantais là, que c'était très, très rushé, là. Non, je t'ai plus, la cour est pleine. Non, mais tu sais, à un moment donné, c'est que, tu sais, je suis d'accord, là, pour dire, j'ai vu Gotham, je les ai pas toutes vues, mais j'en ai vu quelques-uns. Puis j'étais comme, OK, tu sais, Edward Nygma, plutôt. Ça, c'est correct. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, tu sais, la femme chat, je suis comme, ouais, peut-être. Mais le pingouin, ça, encore, ça passe. Mais, tu sais, je sais pas. On dirait, tu sais, on veut pas trop se distancer du produit original. Donc, on intègre des figures connues. Mais en même temps, est-ce que ça se marie bien avec l'univers? Ça dépend. C'est très variable. Est-ce qu'il y avait confirmé pour une seconde saison? Je pense que oui. En plus. Je pense que c'est confirmé. Je pense que ceci étant dit, il y a un épisode où le Joker apparaît. Mais ouais, c'est pas encore vu, mais c'est... Ben, c'est pas du tout le Joker, là. T'sais, oui, dans sa façon d'être, là, mais c'est pas. T'sais, d'ailleurs, il se nomme même pas Joker parce que je voyais des commentaires et t'es comme, oh, mais Joker, il aurait pas fait ça demain. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que c'est pas le Joker encore. Fait calme-toi. Mais encore là, quand on connaît disons, l'univers de Batman, on le sait que il est pas psychopathe à l'adolescence, t'sais. Non, c'est ça. C'est, il a un méchant gros traumatisme à un moment donné, quand il perd sa femme, quelque chose du genre. Ouais, c'est ça. Ça dépend de la version. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Ouais, mais en tout cas, j'ai peur que Gotham va finir par se perdre là-dedans. C'est ma crainte. On verra bien rendu loup. Ah, on vient-tu à notre top? Parce que là, on suspense, là. Le monde capote. Ils ont le goût de savoir notre numéro 1. Ludic, ton numéro 1? Moi, j'y vais avec Guardians. Sans moi, de quoi une tonne de briques, là. Ben là, j'ai comme dévoilé le punch un peu. Guardians of the Galaxy. Mon numéro 4 est ton numéro 1? Non, mon numéro 4, c'était X-Men Days of Future Past. Non, je dis mon numéro 4, c'est ton numéro 1. Ça me plaît ça. Excuse-moi, je suis dans la gorge. Miaou! OK. Ce n'était pas un lapin de son chapeau, c'était un chat dans sa gorge. Dans sa gorge. Mais oui, Guardians of the Galaxy, très belle œuvre de James Gunn. J'ai accroché du début jusqu'à la fin pour un film que je m'attendais pas à être beaucoup de surprises. Et que, comme tu avais dit, JP, tantôt, que... Mais comment tu pouvais ne pas avoir de surprise si tu connaissais rien de la franchise? Parce qu'il y a personne... Tu connaissais rien de ça. Il y a personne qui connaissait rien de cette franchise. C'est impossible. Il y a personne qui connaissait, là. Faut faire attention. Parce que, si, admettons, on regarde. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, tu sais, qui s'intéresse beaucoup aux dessins animés qui sont sortis par, par Marvel Studios. Et, il y avait une série qui s'appelait Avengers, Earth Mightiest Heroes. Et il y a eu un épisode où ce qui montrait les Guardians of the Galaxy qui apparaissaient puis qui allaient aider les Avengers. En vue de. C'était tout fait que, non, c'est ça. Fait que là, tu sais, j'ai pu apprendre un petit peu à connaître les Guardians of the Galaxy. Et il y avait eu aussi, voyons, je cherche le Ultimate Spider-Man. Qui est une autre série de dessins animés où ce que Nova va, Nova, qui est un des acolytes de Spider-Man dans cette série-là, décide d'aller aider les Guardians of the Galaxy. Donc, j'avais un petit backstory qui m'a comme un petit peu aidé, mais j'en savais pas plus. C'est-à-dire que je savais que Groot disait tout le temps « I am Groot ». Je savais qu'il y avait un raton laveur parlant au nom de Rocket Raccoon. Je savais qu'il y avait Star-Lord qui était un humain. C'était tout. C'était tout ce que je savais, mais j'en savais pas plus. Mais au moment où ce que j'ai découvert, je m'étais promis, je m'étais dit, je ferai pas de recherche sur la franchise. Parce que des fois, j'en faisais, puis au final, je me décevais un peu parce que je me rendais compte que... Il y a toute une liberté qui est prise, éventuellement. Ouais, c'est là. Ça. Fait que, tu sais, des fois, il y a des détails qui sont pris. Il y en a d'autres qui sont pas pris. Fait que, tu sais, je fais comme, bon, OK. À la place de faire des recherches, je vais laisser le film me surprendre. Et à ma grande surprise, j'ai été très, très surpris par les nombreuses références. Tellement que j'ai capoté au Thanos, j'ai trippé à Ronan le Conquérant, j'ai trippé à la prestation de... voyons, la fille de Thanos... Gamora. Non, pas Gamora, mais non, l'autre, le robot. Là, ouais, ouais, ouais. Parce que le robot qui se met à la fin et qui revient tout seul. Ouais, comment qu'elle d'ailleurs, fait? D'ailleurs, de loin plus intéressante que Gamora, en tout cas, dans ce film-là. Là. Ouais, oui. C'est ça qui était interprété par l'actrice qui a joué dans Doctor Who. Bon, ça y est, j'ai perdu des noms. J'ai pas dit votre maladie. Ouais. Nebula. Nebula. Et c'est Karen Gillan. Karen Gillan, qui est d'ailleurs confirmée pour le Comic-Con de Montréal cet été, soit dit en passant. Yeah. Et Karen Gillan a confirmé qu'elle allait apparaître dans Guardians of the Galaxy 2. Ben oui, elle s'en rebâtit. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, elle sort du vaisseau puis elle survit à la fin. Spoiler! Trop tard. Fait que c'est ça. Guardians of the Galaxy, mon numéro 1, selon moi, c'est autant que Spider-Man de Sam Raimi a pu amener une nouvelle vague de super-héros, que Iron Man a pu amener une nouvelle pensée, une nouvelle vision des choses. Et que Guardians of the Galaxy a amené quelque chose de nouveau. Donc, selon moi, je dis que c'est un des piliers parmi Iron Man et le Spider-Man 1 de Sam Raimi. Next et level. Aussi le premier Batman de Michael Keaton. Ah oui, c'est ça. Numéro 1, Daniel. Est-ce que je me garde pour la fin? C'est le plus poche pour la fin. Fait que... je risque d'en surprendre quelques-uns avec mon numéro 1. C'est un souvenir d'enfance, mais c'est un film que je revois encore aujourd'hui. Et c'est Superman 2. Pas le 1, le 2. Pourquoi? Différentes raisons. Premièrement, Superman est mon super-héros préféré. J'ai même un porte-clés Superman en argent. J'adore ce personnage-là. Je me suis acheté, d'ailleurs, au temps des fêtes dernières, je me suis acheté l'encyclopédie de Superman. J'adore vraiment ce personnage-là. Mais Superman 2 a apporté une dimension très, très, très intéressante de ce personnage-là en trois temps. C'est-à-dire que au début, bon, Lois se doute beaucoup que Clark est finalement Superman, va même mettre sa vie en jeu à un moment donné en plongeant sur une rivière adjacente aux chutes Niagara, parce que oui, l'Ontario est là dans ce film-là. Après ça, t'as toute l'arrivée des Kryptoniens, donc Zod, Non, puis l'autre, ça s'appelle sur ça. son nom. Trop longtemps, je peux vraiment... C'est pas grave, là. Next. En tout cas. Continue, next. OK, je le sais que t'es pressé de donner ton numéro 1. Je vais enchaîner. Fait que, non, mais tu sais, il y a l'arrivée des Kryptoniens où, là, justement, la Terre est menacée. Terrence Stamp, d'ailleurs, incarne un très, très bon général Zod. Les puristes se souviennent, d'ailleurs, de la phrase de Zod, Kneel before Zod. Donc, qui est devenu un classique. Et ce que j'ai aussi aimé, c'est plus en dernière portion de film, ou en tout cas dans la deuxième moitié, quand Superman finalement abandonne ses pouvoirs pour redevenir un simple humain, se rend compte que finalement il préfère être un mortel qu'un super-héros, et que tu sais, dans le fond, il laisse de côté vraiment son origine kryptonienne. Éventuellement, il va la retrouver, il n'aura pas le choix, mais j'ai trouvé ça très très très intéressant à ce moment-là. D'ailleurs, Clark va vraiment se faire péter la gueule dans un restaurant et il va découvrir pour la première fois la douleur. Donc, il y a différentes dimensions de ce personnage-là qui sont vraiment intéressantes. C'est sûr que le film date d'il y a longtemps. Il y a des scènes aujourd'hui qui, bon, ils font un peu dur, là. Et d'ailleurs, il y a du placement publicitaire assez grossier dans ce film-là. Je l'ai revu... C'est dans la continuité de Man of Steel? Ils ont repris le meilleur. C'était ça avec le Sears? Ouais, non, c'était avec le méchant gros camion Marlboro. À un moment donné, là, quand il se bat à la fin, là, tu vois Marlboro, puis à un moment donné, tu vois Coca-Cola. Fait que il y a du plus gros placement publicitaire, mais tu sais, c'est un très vieux film. Mais c'est un film, tu sais, même les effets spéciaux, tu sais, il y a encore de la gueule pour aujourd'hui. Donc, pour moi, ça a marqué mon enfance. C'est un film que je réécoute encore aujourd'hui. J'ai encore du plaisir à réécouter. Puis oui, on voit des signes d'âge, mais pour moi, c'est un grand classique du cinéma de super-héros. J'adore ce film-là, et c'est pourquoi c'est mon numéro 1. Je passe à mon numéro 1. Fait que mon pire film maintenant, c'est vrai. C'est vrai. Oui, mon JB, on t'écoute. Mon numéro 1, je pense que vous avez un indice, la lignée vers où je m'en vais et pourquoi j'aime autant ce numéro 1 par rapport à Unbreakable. Mon premier, Chronicle. Hey, ça me dit tellement rien. Là. Ce film-là, c'est l'histoire de trois jeunes adolescents dans un bled perdu aux États-Unis et à un moment donné, ils sont dans un party. Et il y en a un, là, il est vraiment le rejet de la société, mais il y a son cousin qui, lui, est quand même cool, qui a un meilleur ami, le noir de service. Puis là, ben, écoute, les trois se similitiennent ensemble, mais tu sais, le noir, c'est le sportif aussi de service, fait que lui, il est comme cool, mais tu sais, quand il est avec eux autres, il est comme vraiment leur ami, mais tu sais, il front à l'avant des autres aussi pour pas être en marge de la société, tu sais, mais il préfère être avec ses chums, tu sais. Puis là, ben, si on a un party, ben, à un moment donné, ils entendent de quoi, puis ils s'en vont dans un terrain en arrière, un genre de clairière, et il y a comme un astéroïde, on sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé là, il y a comme un bruit qu'ils comprennent pas, puis ils s'en vont en dessous de la terre, ils s'en vont comme dans la grotte que ça a creusé, et écran noir, ben en fait non, c'est de la lumière là, ils s'évanouissent puis ils se réveillent le lendemain matin et comme si de rien s'était passé, ils comprennent pas qu'est-ce qui est arrivé, puis tranquillement, pas vite, ils vont découvrir qu'ils ont des pouvoirs télékinétiques, les trois, vont développer leur capacité, le petit rejet qui est campé par Dane DeHaan, celui qui est Green Goblin dans le dernier Spider-Man, qui joue le méchant, va être celui qui était tellement le rejet, qui est bon dans rien, mais dans ça, il est bon, il est vraiment écœurant, il est meilleur que les autres, il se développe vraiment plus rapidement, ils vont commencer à apprendre à voler, ils vont, en tout cas, il va arriver plein de péripéties, et ce qui est cool dans ce film-là, je vous ai dit que moi je rêvais depuis que j'étais tout jeune d'être un super-héros, puis là, c'est des kids qui deviennent des super-héros. Mais c'est tellement réaliste comment est-ce que c'est approché. Mettons, ils vont voler. Ben, ils se mettent un manteau d'hiver, bâtard. Il fait frais dans les airs. Tu sais, juste ça, okay, tu fais comme, ouais. OK, ils ont pensé, tu sais. Ils ont réfléchi. Les pouvoirs télékinésiques, ben, entre eux autres, ils ont comme leurs règles. Faut pas que ça fasse de tort à personne. Faut pas qu'on le montre parce que ils veulent pas devenir l'objet de recherches scientifiques. Ils veulent pas devenir des cobayes. Mais à un moment donné, il y en a un qui dérape, tu sais. Puis là, ben, il fait une joke puis il envoie un char dans le fossé. Ils vont voler un dépanneur. Bon, ben, tu sais, X affaire. Ce qui est cool dans ce film-là, c'est que tout le long, t'as l'impression que tu vis l'origin story d'un super-héros, mais la réalité, c'est que tu vis l'origin story d'un super-vilain. C'est la twist finale. Et les 30 dernières minutes de ce film-là, c'est un combat épique entre deux des trois personnages. Et la finale est juste écœurante. C'est 30 minutes de on vole, on se pitche des chars par la gueule, on traverse des immeubles parce qu'on est comme hyper puissant, on est hyper amoché, mais on veut pas céder ni un ni l'autre. Et la finale est juste comme simplement épique. Tu rêves d'être un super-héros? Va voir ce film-là. C'est le plus réaliste que j'ai vu, le plus... En tout cas, moi, ça m'a vraiment pogné. Et ce qui est cool, c'est que c'est pas un super-héros qui est connu. C'est pas un super-vilain qui est connu. Fait que tu te bases pas, tu te dis pas « Ah, il est censé être capable de faire ça, puis il le fait pas dans le film! » Non! On le connaît pas. C'est un super-héros inconnu. C'est un super-vilain inconnu. C'est l'origin story de ce qui pourrait être. Après ça, c'est ton imagination qui embarque. « Ah, il pourrait faire ça, il pourrait... » Tu sais? Moi, c'est ce que j'adore. Ouais, j'ai vu l'affiche, l'image de l'affiche que t'as mis sur Facebook. Ouais, il fait un finger avec un nuage. Ouais, ça veut tout dire. Hein? C'est très irrévérencieux, puis c'est très... tu sais, le père de un, il tabasse, puis il menace, puis sa mère est malade, fait qu'il va se rebeller contre son père, puis là, ben, il va faire des trucs pas fins parce que, justement, ben, il veut survenir aux besoins de sa mère, puis là, ben, tu sais, en tout cas, tout s'enchaîne, puis c'est par la force des choses qu'ils vont devenir ce qu'ils deviennent, puis il y a jamais de réponse, le pourquoi qu'ils ont des pouvoirs, d'où ça vient, ça vers quoi ça va les amener, ils ont aucune réponse, sont complètement devant l'inconnu, et c'est un film filmé à la caméra à l'épaule. Exemple, faux documentaire, le Blair Witch Project, ces affaires-là. Et à un moment donné, pour expliquer que ça shake plus, le gars, il développe sa capacité à faire voler la caméra tout seul, tu sais. Puis à la fin, ben, comme il est dans le combat, il s'occupe plus de la caméra, ce qu'on voit, c'est leur action, mais par rapport aux caméras de surveillance dans la ville. Fait que t'es vois dans un coin qui passe, fait que. Tu sais, comme les autorités, tu vois, les journaux qui... ben, pas les journaux, là, mais les bulletins de nouvelles qui présentent qu'est-ce qui se passe, puis ils ont juste des brides d'informations, parce que c'est ça que t'as sur les caméras, tu sais. C'est des brides d'informations. C'est tellement bien fait, c'est bien pensé. Pour vrai, si vous le connaissez pas, allez voir ça, m'en redonnerai des nouvelles. OK. J'espère que je vous l'ai vendu, parce que ben oui. C'est mon ben numéro. Oui, ça me donne le goût, je l'avais même pas vu encore. Mais j'en avais entendu parler, par contre. JB m'a vendu l'automne dernier Interstellar, puis... Il y a 4 notes, man! Ils sont écœurantes! Pas rien que les 4 notes qui sont écœurantes. Il y a bien d'autres choses dans ce film-là qui est écœurant. Moi, je veux savoir, maintenant qu'on signe notre top 5, est-ce que vous avez un qui a vraiment comme passé proche de faire la cote, mais qui... non, il l'a manqué pour un petit peu, là. Avez-vous un sixième, là, tu sais? Dans mon cas, ça aurait été Gardien. OK. Je l'ai pas mis, moi. Fait que, Luduc? Ouais. J'y pense encore. Moi, c'est Hancock avec Will Smith. Qui encore là, c'est pas un super-héros qu'on connaît. C'est en fait un super. C'est un super-héros, mais il est pas bon. Il est comme. Tu sais, mettons qu'il va avoir des vilains, ben, il va les pitcher dans le char sur une tour pour les empaler. Tu sais, il va. Ben, au lieu d'arrêter le train qui s'en va vers. En fait, non. Au lieu de tasser le véhicule d'une personne qui est sur le bord de se faire frapper par un train, ben, il va juste se mettre dans le chemin, puis le train va dérailler, puis ça va causer des milliards et des milliards de dollars. Fait. De dommage, la planète est comme pogné avec ce gars-là qui est un trou de cul. Pour vrai, il est sa boisson tout le temps, il est tout croche, il envoie promener tout le monde, puis il y a un gars de relations publiques qui le prend, puis il fait comme tu sais, tu pourrais être fin, tu sais, puis que tu pourrais être apprécié par les gens, ça pourrait être le fun, tu sais, puis il revampe complètement son image. Il te le transforme, puis après ça, ben, il y a une histoire mythologique qui embarque. En tout cas, c'est hyper intéressant, mais la twist de le gars, il est pas bon. C'est un mauvais super-héros, puis la planète est pognée avec ça, tu sais. Il y a personne qui peut rien faire contre lui, tu sais. Fait que faut qu'il rééduque, tu sais. Il fait de en tout cas, j'ai trouvé la twist très intéressante, mais c'est avec Will Smith, c'est pas pour tout le monde, encore une fois. Je sais que les critiques n'étaient pas super bonnes, mais moi, c'est un petit plaisir coupable. OK. Luduc, ah oui. Finalement, je t'ai laissé le temps de. Ben c'est sûr que moi c'est pas vraiment des films qui s'en j'ai beaucoup d'attentes par rapport à des futurs films qui s'en viennent. Fait que pour l'instant là, ça je regardais vite ma bibliothèque de films que j'ai de mon côté là. Mais de qu'est-ce que je sais qu'il y a beaucoup de films que j'attends. Mais ok, j'ai bien aimé First Class. Oh, je vais dire First Class. First Class, on n'en a pas mentionné. Puis ça a été comme le début de J.C. McAvoy. puis Michael Fassbender. Ouais. Mm-hmm. Fait que ça a été comme le petit début qui a été comme un genre de reboot qui a bien été. C'était quelque chose qu'on avait besoin d'entendre parler un peu parce qu'on en avait eu vent un peu pendant le premier X-Men, mais sans plus. C'est-à-dire qu'ils ont passé vite l'histoire et tout, sans. Puis tu sais, ils ont passé directement au punch, ce qui est bien correct, c'est ce qu'on veut. Mais le fait d'arriver comme on revient en arrière pour aller voir la boucle, ça a été quelque chose de très très bon, puis en même temps ça amenait des nouveaux visages, ça amenait quelque chose de nouveau. Donc, on l'a bien fait aussi avec Days of Future Past, on était en mesure de tout rapper ça ensemble pour démontrer que c'est ça même. Finalement, ça a même storyline. Ça a même patente, sauf à deux époques. Puis écoute, j'ai été voir le film avec ma belle-sœur, elle connaît les super-héros zéro, là. Puis elle était capable de suivre. Fait qu'on l'a bien décortiqué tout ça, là. C'est ça. Rendu là, puis c'est ça, déjà qu'ils ont annoncé X-Men et Apocalypse, qui est le troisième. Ouais. Ça va être quelque chose d'assez unique quand même. Mm-hmm. Mais par contre, j'aurais pu mentionner par contre The Wolverine aussi. Qui vient montrer l'histoire un petit peu d'amour de Wolverine au Japon. Mais ça, c'est une histoire que peu de personnes connaissent. Je sais qu'il y a eu un gros pendant bande dessinée bande dessinée très longtemps au Japon avec Old Man Logan, puis que tu sais que Wolverine c'était comme un descendant samouraï, puis le code d'honneur, tout ça. Mais ils ont pas montré le côté samouraï, ils ont plus montré juste pas dans le film. Non pas dans le film, ils ont vraiment été dans les côtés le fait que Logan se sentait comme responsable de toutes de plusieurs morts. Là, on mentionne Jean Grey beaucoup dans le film, mais en même temps, ça montre un petit peu la culpabilité du personnage parce que Jean Grey, il l'aimait beaucoup dans X-Men 2, puis il y avait une belle complicité qui s'en venait, puis l'amour vient dans 1, 2, 3. J'ai un peu plus de misère avec la motivation qui le fait raccrocher, tu sais, remarquer, là, tu sais, vous avez tué un ours, mais en le torturant avec du venin, fait que je vais pas être gentil avec vous autres. Je fais OK. Mais non, c'est ça. Mais je trouvais que The Wolverine, ça faisait un petit changement. C'est sûr que j'aurais peut-être pas mis 6. J'aurais peut-être mis genre numéro 9, mettons. OK. Ah oh, ouais, quand même. Je veux qu'on se pose la question là, maintenant. C'est quoi un super-héros? Non. Jubi, tu m'avais promis de quoi avant le show? Oh, ben vas-y. Faut que je le fasse. Je me souviens plus, vas-y. Pas les pires, là, parce que là, va falloir achever à un moment donné ce show-là. Mais non. Mon pire. Non. Non, tu sais, les justiciers masqués ont fait combien de temps de radio? Hey, nous, on pète ça. Ben oui. Non, mais mon pire. Je voulais absolument parler. En fait, moi, je voulais. C'était ça, moi, mon idée de chronique pour le show actuel. C'était quel est notre pire. Mais écoute, il faut que je vous en parle. Batman et Robin. Ah ouais? C'est pour ça que j'ai dit plus tôt que j'allais faire un retour avec les costumes avec des mamelons. Donc, avec George Clooney, ça. Ah oui, tout à fait. Ce film-là, là, est une suite de médiocrité, là. Puis même quand tu penses que t'as atteint le fond, puis que tu sais que t'as vu ce qui se fait de plus mauvais en film de super-héros, ben, il réussit encore à te surprendre en te mettant quelque chose d'encore plus mauvais. C'est d'un ridicule total, à commencer par juste les décors. C'est n'importe quoi. Jeu de mots mauvais de Arnold Schwarzenegger. Je peux-tu vous dévoiler un petit peu de mon histoire de vie, là? Oui. Vas-y. Le premier film que j'ai été voir au cinéma, c'est lui. Oh non. Bon, la shot où est-ce qu'il y a un chien, puis là, Fraser fait tout geler la ville. Puis là, le chien lève la patte, se met à pisser, puis ça gèle juste à ce moment-là. Oui. J'ai fait comme, OK, non, c'était censé être bon ce film-là, mais j'embarque plus, là. J'ai comme décroché, je vais avoir comme, en 97, écoute, j'avais 10 ans, là. Puis mon esprit critique d'un petit gamin de 10 ans a fait comme, Non, ça, j'embarque plus. C'était terminé. Il y avait pas mal d'affaires aussi pour débarquer. Là, à commencer par... écoute, juste au début, là, Batman puis Robin sont dans une espèce de... je sais pas, là, espèce de truc de glace. Puis tout d'un coup, ah, ben, coudonc, on avait prévu le coup. On frappe nos pieds. Il y a des patins qui sortent de là. Tu sais, c'est n'importe quoi, là. Fait que... histoire d'hockey, là. Ben oui, tu sais, là, tout d'un coup, les méchants ont des bâtons d'hockey. Bon, on a vu que Piqué sous peut causer des micro-fractures avec un bâton de hockey, ça, d'accord. Mais, tu sais, c'est une suite de médiocrité. Qu'est-ce qui leur a pris de faire des costumes avec des mamelons? Bonne question. D'ailleurs, il y a des très gros plans, les mamelons, là. Ça, c'est important. Et des fesses, hein, faut dire. Ah oui. Et je me rappelle, JB, si t'avais 10 ans, moi, je devais pas être bien plus vieux. Je devais avoir peut-être 11, 12 ans. Puis ma mère était là dans la salle. Puis je me rappelle la première affaire qu'elle disait à mon père après le visionnement, c'est « Hey, bad girl, méchant melon, hein? » Tu sais, c'est ça. Fait plus que, jamais, les super-héros, plus jamais! Ah non, non, c'est le mal. Non, mais tout est mauvais dans ce film-là. Les acteurs, écoute, ils font ce qu'ils peuvent. George Clooney est le pire Batman qui a jamais existé au grand écran. Ouais, mais un très, très bon Bruce Wayne. Bruce que... Wayne, oui, mais Batman... oublie ça. Tu sais, un Batman qui sourit, là, c'est un peu weird. Déjà, à la base, c'est weird, mais qui sourit tout le temps. Tu sais, il y a comme... même à travers le masque, on dirait que le bon gars transparaît, tu sais. Ouais. Ça marche pas, là. Tu sais, c'est n'importe quoi. Je suis pas content avec les gros cheese d'en face, là. Oui, c'est ça. Écoute, à un moment donné, tu sais, quand il y a comme une scène où Robin, finalement, se rebelle parce qu'il se tourne vers Poison Ivy, je me rappelle... il te lâche un espèce de petit soupir, mais tu sais, c'est comme « Ah, mon Dieu, que tu m'as fait de la peine, là! » Tu sais, c'est pas crédible. Bane est totalement ridicule. C'est n'importe quoi. Poison Ivy, je trouve que c'est la moins pire dans Bunch. Quoique Chris O'Donnell en Robin était correct, là, tant qu'à moi, là. Mais, tu sais, Uma Thurman a fait ce qu'elle a pu, là, dans les limites d'un scénario assez merdique, merci. Mais tout est... j'allais utiliser un mauvais mot, là, mais tout est juste merdique dans ce film-là. C'est Joel Schumacher a raté sa shot, mais pas qu'à peu près. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça a pris aussi longtemps avant qu'on voit Batman. Puis il y avait beaucoup de cynisme quand Batman... le spectre derrière Batman était assez lourd, mettons. Et oui. Fait que Christopher Nolan avait toute une commande, tout un contrat avec Batman Begins. Mais Batman et Robin, là, c'est épouvantable comme film. D'ailleurs, c'est tellement mauvais que c'est bon à regarder juste pour constater la médiocrité de la chose. Ouais. Fait que voilà. Fait que je peux survenir avec la question de... Ah, vas-y. Merci, c'est beau, j'ai ventilé. Ça m'a pris 4 minutes. C'est quoi un super-héros? Pour vous autres? Ben, je l'ai abordé au début pour moi. Pouvoir, pas de pouvoir, ça prend quoi? C'est... ben non, les deux sont possibles. C'est-à-dire que tant et aussi longtemps que le personnage en question le fait pour la justice selon lui... quoi qu'en même temps, encore là, on pourrait débattre beaucoup parce qu'il y a beaucoup de, super méchants qui disent qu'ils se battent pour la justice alors que c'est juste pour leurs propres idéaux. Mais c'est quelque chose qui est assez intense parce qu'on peut pas dire qu'il faut absolument qu'il y ait des super pouvoirs parce que sinon on vient discriminer Batman, Daredevil, même Daredevil, il y a des super pouvoirs. Là. Mais il y en a d'autres qui ont pas de... C'est ça, il y en a plusieurs, tu sais. Ben, il y a les coups de localisation, là. Ouais. Moi, je dirais que ça prend de l'incroyable. Même si les capacités sont humaines, si le rendu est impossible dans la vraie vie, moi, je considère que c'est du super. C'est le super dans patente. Exemple, Iron Man, peut-être en 2040 000, on sera rendu à pouvoir faire ce genre d'affaires-là. Mais actuellement, on ne l'est pas. Un Batman, c'est impossible d'avoir autant de gadgets sur lui puis d'avoir les capacités de faire tout ce qu'il fait. C'est impossible. Donc, dès que tu tombes dans le domaine de l'impossible, pour moi, ça devient le super. Puis après ça, la notion de héros, ben, c'est selon l'alignement du personnage. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que héros, par définition, c'est... quelqu'un défend une cause, tu sais, défend quelque chose, tu sais, ça c'est la portion héros, Puis la portion super, ben comme tu dis, je pense que c'est l'incroyable. Tu sais, quand on s'imagine un super-héros, on s'imagine quelque chose qu'on ne pourrait pas faire, nous, tu sais, qui sont au-delà des limites humaines normales, tu sais. Puis quand on pense à Batman, par exemple, oui, tu as raison, tu sais, au-delà de ses gadgets, c'est aussi un homme extrêmement intelligent. Iron Man, Tony Stark non plus, n'a pas de super-pouvoir, mais c'est un... C'est, même dans Iron Man 1, ils disent, tu sais, il y a personne qui peut l'accoter au niveau de ses créations, tu sais. Fait que dans Avengers aussi, d'ailleurs, ils se parodient un peu là, en disant je suis un philanthropiste, c'est un sexe symbole, et tu sais, devant Lucky. Là. Ouais, c'est ça. Fait que. Et quoi, toi, à part une armure, moi, je suis. c'est ça. Ah, Capitaine America, c'est ça, ouais. Captain America, je pense que c'est un bon exemple, tu sais. C'est un gars qui est parti, tu sais, c'est un minus, mais qui est devenu un incroyable, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, ouais. Un super-héros, c'est quelque chose qui repousse les limites humaines, que ça soit par des gadgets, des armures, peu importe, ou des super-pouvoirs. Je pense que ça clôt ce débat-là. Ouais, on a des vraies réponses. Ben, c'est des vraies réponses assez variées quand même, ce qui est une très très bonne chose selon moi. Oui, tout à fait. Parce qu'on amène, on amène quelque chose d'assez. Dans sa cause, je viens de voir autre chose. Mais on amène un côté très très unique et très très bon en même temps. Si vous aviez un super héros ou un super vilain que vous aimeriez être, puis là je veux pas le. C'est quoi le super pouvoir que vous aimeriez avoir? Non. T'es à la place du super-héros, c'est lequel le moins pire, c'est lequel le plus fun à être ou que vous aimeriez pouvoir camper si la possibilité était de pouvoir les camper? Déjà dit. Ben, répète, juste au cas. Ouais, ok. Bon, donc ceux qui ont une mémoire, vous en rappelez. Ceux qui sont JB, ben, je vais le répéter. Superman. Pour vrai, là. Ah, oui. Tout à fait. Écoute, moi, j'ai trippé. J'avais même des bobettes Superman, mais moi, je les mettais en dessous de mes pantalons quand j'étais petit. Mais tu sais, t'as tchoum, puis tu viens de détruire la planète avec ton rayon laser que t'as dans les yeux. Là. Pas mon problème. Non, ok. Non, c'est ça. Non, mais. Tant pis pour eux autres. Il y a même qu'on voit des pouvoirs. Non, mais écoute, je sais, j'ai un de mes amis, Renko QC, d'ailleurs, si vous voulez le suivre sur Twitter, c'est Jonathan. Il m'avait dit Superman est comme trop. Ben, oui, dans un sens, mais pour moi, je sais pas, j'ai une fascination, j'ai un amour pour ce personnage-là. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Luduc? Moi, j'y aurais été avec Power Girl. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai dit être et non pas être dans. j'y serais avec le pouvoir de. J'aurais peut-être été avec le pouvoir de Nathan Petrelli dans Heroes. Ah, qui peut être copié tout le monde, là? Non, qui peut voler, tout simplement. Juste voler, là, ça me suffirait amplement. C'est sûr que. Celui qui est comme maire de la ville, là. Pas... Celui qui devient. Qui est dans les élections, là. OK, ouais, c'est ça. C'est pas Peter que okay. Je te parle. Mais en gros, voler. Si à un moment t'es capable. En gros, j'aimerais bien être Superman, oui. Mais je trouve qu'il est trop super power. Puis je trouve que. Non, c'est trop. Au pire des cas, j'aurais préféré être Shazam. Qui est pas mal un genre de. De Superman, mais que c'est un petit gars qui peut se transformer en adulte, qu'est-ce que j'ai pu comprendre? Ouais. Oui. Ça aurait été comme pas mal le cue que j'aurais aimé ça. T'sais, de tenir quelqu'un d'autre pour avoir une autre face ou bien avoir l'air de quelqu'un d'autre pour pas me faire reconnaître des affaires de même. Puis avoir la force surhumaine, pouvoir voler. Mais tu peux être un kid de 6 ans toute ta vie. Là. Non, mais pas être un kid de 6 ans. Dans la vraie vie, le gars, c'est un flow. Ouais, je sais que c'est un flow, mais. Tu prennes sa vie aussi, là, comme pour Superman. Là. Daniel, veux-tu vraiment être le dernier de ta race? Tu sais, t'as pas une de la solitude? T'as pas non, Superman n'est pas le dernier de sa race parce que t'en as d'autres kryptoniens qui sont en vie. Ils sont juste pas gentils maintenant. C'est ça. Il y a même un chien kryptonien qui est encore en vie. Ouais. Ils ont pas Supergirl, hein? Supergirl, ben mets ça dans ta pipe, JB. Ouais. Ah ouais, hein? Non, non, mais comme il a dit, tu sais, c'est ce qu'on voudrait être et non pas dedans. En tout cas, bref. Parce que tu sais, mettons, là, moi je dis, ah, ce serait cool être Spider-Man, mais tu sais, j'ai pas le goût d'habiter dans un village avec les pouvoirs de Spider-Man. Parce que tu vas courir. Il peut pas s'accrocher nulle part, là. À part le clocher de l'église, il n'y a pas grand-chose. Ah, je fais le tour de l'église. Ça doit être un merdier, ça, à nettoyer, par exemple. Non, mais tu sais, puis... Moi, j'ai été avec la théorie que c'était biodégradable. Mais tu sais, je veux pas être Spider-Man non plus ou Batman. J'ai pas le goût que mes parents soient morts dans ma face, là, tu sais. Tu comprends? Ça vient avec tout le background du personnage, là. Moi, en tout cas, tu sais, il y a une couple de super-héros de même, là, que j'ai comme pas le goût de... Quoi qu'un que ça me tenterait de devenir, Tony Stark. J'avoue qu'il n'y a pas de grand désavantage à être Tony Stark. T'es alcoolique. Ouais, j'étais alcoolique, philanthrope. Mais philanthrope, ça, je suis un peu, fait que je sais pas si tu peux. Mais... tu partages ton temps avec tant de générosité. Et je suis un playboy, messieurs. Oui, c'est ça. Ah, toujours. Ah, oui? C'est à cause que je porte tout le temps mon complet, fait que ça, on le voit pas. Non, mais Ça manque de cabine téléphonique pour pouvoir te changer. C'est juste plate. <C'est ça. rire> Mais non, si je devais choisir... Ben, sérieusement, j'ai trop de choix. Si on y va avec le fait qu'il faut choisir aussi le backstory... Oh, oui, non, non, c'est ça. T'es à la place d'eux, là. Il y a une autre question, là. Ah, je suis sûr que je vais dire quelque chose en ce moment et le lendemain, je vais carrément le regretter. Je vais carrément te rappeler. Genre, ça y est comme « Non, j'aurais dû dire ça! » Mais... Je vais être Son Goku. C'est n'importe quoi. Tu veux te faire couper à la queue? Bref. fait que... Oh, je savais tellement pas quoi répondre à ça. Pas non plus. Le blanc était juste parfait. C'était ça que je voulais. Oh, regarde, on parle que blanc. OK, c'est bon, on fait les liens ici. Là. fait que... Ah, boy. Mais attends une minute. Là. JB, là, tu viens de nous détruire nos idées à force d'arguments. Qu'est-ce que tu vas avoir? Ouais, c'est ça, je me demande, parce que je me dis, finalement, il n'y en a pas que je veux vraiment. Tu sais, si tu as tout le background, puis, tu sais, au début, je me disais, ah, Spider-Man, ah, il est chill, tu sais, il est cool, il fait des jokes, mais son oncle, il meurt par sa faute, ses blondes, il meurt, tu sais, ses parents sont morts. Là, tu fais comme, ok, c'est dark être Spider-Man, finalement, tu sais. Il a le droit d'être emo un peu, là. Moi, j'en ai un pour toi. Oui, vas-y. Quand je te verrais bien, là. Rocket Raccoon, là. Non, mais j'ai pas le goût d'avoir été torturé. Non, oui, mais écoute, t'as déjà un point en commun avec lui. Oui, je suis touffu. Non, ouais. Tu vois, c'était même pas mon point. Je viens d'apprendre de quoi, là. T'es petit, puis j'avoue, des fois, tu dois cracher. Non, mais tu sais, des fois, quand tu fais des coches, là, c'est n'importe quoi. Quelle excuse de merde. C'est n'importe quoi. Non, mais t'as la taille. Ouais. Ah ouais. Alors, je faisais pas de pieds 4 non plus là. Ouais, mais... 50% Rocket Raccoon. Non mais sérieusement là, mais JB puis moi à un côté de l'autre, on a vraiment l'air de Groot puis Rocket Raccoon. Vraiment. Mais non, c'est ça, je tu sais, j'essaie de voir lesquels qui sont comme cool, mais tu sais, il y a des stéréotypes, tu sais, ça pourrait être, je prends enchaîner avec ça, tu sais, il y a des stéréotypes, là, c'est qu'il y a tout le temps de la mortalité auprès des super-héros, tu sais, ils sont tous torturés d'une certaine façon, il y en a pas que, genre, la vie est belle, puis là, tout d'un coup, pouf, en plus, ils ont des super-pouvoirs, là. Mais je te dirais, c'est peut-être bon, ça, parce que justement... Il n'y a pas un super-héros qu'on fait comme « Aïe, il n'y a pas de défaut à être lui. » Non, ils ont tout un côté sombre, il y a tout un côté plus noir à leur existence. Puis c'est correct, tu sais, c'est justement, c'est tout n'est pas blanc, tout n'est pas rose dans la vie, là. Fait que... un petit côté réaliste en même temps. Tout à fait. Tu sais, moi, j'ai dit Superman, mais comme tu as dit, JB, c'est, bon, le dernier, on va dire, gentil de sa race, là, parce que même Supergirl, des fois... Elle est malléable, elle, hein? Ben, disons, elle est un peu bipolaire, fait que... mais, tu sais, C'est ça, il y a un côté sombre à Superman, puis d'ailleurs, DC Comics est en train vraiment de transformer Superman en un être ayant une profonde crise existentielle. Donc, tu sais, il y a toujours un côté sombre au personnage, fait que je trouve ça intéressant. Mais ceci étant dit, moi au moins, je m'identifie à un super-héros. Mais c'est celui que je prendrais, là, moi, ce serait Captain America, parce que tu passes du petit faible, tu sais... le top, tu sais, super pouvoir, tu sais, capacité humaine. Puis le seul truc, c'est qu'il devient déphasé avec avec sa génération à lui, parce qu'il a passé un bout dans la glace, mais il a pas vécu ces pertes-là. Il a tout connu les pertes au moment de se réveiller, tu sais. Puis à un moment donné, il get over it, là, tu sais. Fait que je dirais Superman, parce que, pas Superman, mais Captain America, parce que je le trouve cool, mais je trouve que son côté négatif est comme, ben, il l'a comme pas vécu, il était gelé, là, genre au moment où est-ce que ça se passe. Là. Question pour toi. Tu prends le casque de Iron Man dans les derniers films de Marvel ou dans les bandes dessinées avec les petites oreilles d'Astérix? Captain America, tu parles? Ouais, ouais. Captain America. Moi, je te verrais bien avec des petites ailes. OK, mais go. Je vais le prendre. OK, je prends lui, là. Hein, tu vois, il n'y a pas juste des avantages. Non, il y a des petites ailes. Oui. Des petites ailes. Des petits vols. Non, c'est ça. La question, moi, je trouvais ça intéressant. Tu sais, je me disais au départ, ah, Deadpool, tu sais, il est tout le temps en train de faire des jokes, mais... Le gars, c'est une expérience, là, sur deux pattes, là. Shit, c'est vrai, Deadpool, j'aurais dû prendre ça, man! Mais le gars, c'est, il y a une soirée au cerveau, fout, là. Il est défiguré. Pas, là, ouais, il est défiguré, oui. Ah. Mais crime, il peut tout faire, ce gars-là. Il est cool. Ouais. En tout cas, moi, si tu prends le background avec, c'est comme moins tentant tout d'un coup, là. Ouais, mais il est entouré de jolies filles, par contre. Ouais, mais il y a personne qui l'aime. Ouais, c'est vrai. Hey, by the way, me permet... Ça change pas ma vie. Quoi? Me permettez-vous juste dernière petite chose, là, je veux pas ouvrir sur d'autres choses. Un très très bon acteur, un très beau rôle que j'ai vu dans un film, disons, très moyen, de super-héros. Mark j'ai encore un blanc. Bon, c'est le fait que tu nous coupes pour ça, hein? Non, mais le rôle de Sinestro dans Green Lantern, maudit que j'ai l'aimé. Ah oui? Oui, je trouvais que c'était un bon Sinestro. Mark, comment il s'appelle? Mark Strong, c'est ça. Mark Strong. Oui. C'est vrai, c'était bon. Oui, je le trouvais bon. Pour moi, là, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai quand même apprécié Green Lantern. Là, disons que pour le reste, c'est discutable. Là. Ryan Reynolds est correct aussi, mais Mark Strong, là, en tant que Sinestro, là, dans un film... tu sais, c'est comme un rôle qui s'est démarqué dans un film... Moyen. En tout cas, au bon mot, là. Ouais. Ouais. Mais ça doit être popé quand même être Green Lantern. J'avoue. Ça doit être intéressant. Tout créé, mais à l'aide de... Une petite bague. Ouais. Ah oui. Il y a une couple de clichés, hein, dans le domaine des super-héros. Tu sais, exemple, cliché numéro un, c'est que si t'es pas mort dans la genèse du personnage, si la mort, c'est une grippe, là, c'est que tu vas revenir éventuellement. Ou sauf si t'es mort dans la genèse. Ça, t'es mort pour vrai. Ça revient pas, là. Ouais. Fait que c'est à prendre en compte, là. Ah ouais. Ils sont tous revenus. Là. Les boys, je viens de revenir sur ma décision. Je vais prendre Flash. Je vais prendre Barry Allen. Ah, mais sa mère est morte parce qu'il n'est pas arrivé à temps. Là. Non, mais non, c'est pas grave. Là. Ah, ben quoi que je l'aime, ma mère. Mais bon. Si là, seulement tout le monde le sait. Ta mère, tu prêtes de Barry Allen, mais tu sais, too bad. Too bad, là. Non, mais t'imagines-tu le gros malaise ça aurait fait? Bon, anyway, elle est déjà morte, ma mère. T'sais. Oh! C'est ça, là. Méga malaise. Mais non. Boy. Mais le Silver Surfer, ça pourrait être cool. Pour les mêmes pouvoirs, son père n'est pas mort. Ouais, c'est ça. Ouais. Finalement, si on devient un super-héros, il faut s'attendre à perdre un membre de famille. Ouais, entre autres. Entre autres choses. C'est ça. Regarde, on parlait tantôt de Superman, ses parents sont morts. On parle de Tony Stark, ses parents sont morts. Spider-Man, son oncle est mort, ses parents sont morts. Mais ça, j'ai aimé ça dans Spider-Man 2 de Sam Raimi. T'sais. À un moment donné, il veut pas le dévoiler à Mary Jane, parce que on dirait, tu sais, il veut pas revivre de la mortalité, tu sais, il veut pas mettre en jeu la vie de ses proches. Fait que ça, j'avais aimé ça, cet angle-là. Ouais. Ouais, j'avoue, c'était bon, ça. Série télé, côté super-héros, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir aussi? Je peux pas m'avancer là-dessus. Moi, j'ai décollé Daredevil, j'ai 3 épisodes. Ah, jusqu'à maintenant, les deuxièmes moitiés d'épisodes sont pas mal meilleurs que les premières moitiés d'épisodes. Oui, oui, oui. Ah non, sérieusement, Daredevil, je l'ai dévoré en une semaine. Mmh. Oui, j'avoue que le vieux Batman là, avec les mamelons d'Adam West, là, ça m'a plu. Ah, oh, mais c'était drôle, ça! Ah, écoute, là, même les sourcils gravés sur le casque, là. Hey! Clapperbine! Non, c'est mon mutation de Super Friends, la série de télé qui était mal traduite en français de France. Puis il y avait Batman qui avait une voix de couillon, mais vraiment. Là. Ça sonnait « Elle ne sparbine! Oh, il tombe! » Non, tu es des enfants de même. Ça sonnait juste très drôle. Mais une série que j'écoute beaucoup, c'est en site The Flash et Arrow, qui sont deux séries que j'écoute et que je m'achète en DVD dès qu'ils sont prêts. J'étais à 2 saisons et demie de Arrow, j'ai pas écouté Flash encore, mais j'entends Flash, que c'est bien. Ouais, ça. Flash commence au début de la saison 3 de... Ouais, parce que j'ai vu Barry Allen dans Arrow. C'est là. Ça. Il arrive quelque chose... Il rencontre Barry Allen dans un épisode de Green Arrow dans la saison 2. Il arrive de quoi à Barry Allen? C'est ce qui fait un petit peu le début de la saison 1 de Flash. Et Flash se réveille un moment donné avec ses pouvoirs au début de la saison 1. Fait que tu sais, c'est comme un parallèle. Et ce qui fait le charme entre ces deux séries-là, c'est que il y a beaucoup de crossover. Mm-hmm. C'est-à-dire que il y a certains personnages de Arrow qui vont aller dans Flash, il y a certains personnages de Flash qui vont aller dans Arrow. C'est ça qui fait le charme. Justement, il y a eu 2 épisodes de crossover. Où ce que la même semaine, t'écoutais Flash et tu voyais Green Arrow qui était dans l'épisode de Flash et t'allais écouter l'épisode de Green Arrow et t'avais Flash qui apparaissait dans l'épisode. Fait que c'est cool. Quelque chose qui est vraiment... C'est vraiment ensemble, là. Ça fait de la continuité, ça fait de l'univers consensuel. C'était très intéressant. Moi, c'est Heroes que... Maudit que j'étais déçu comment est-ce que... Tu sais, la première saison, t'es tellement top, puis après ça, ça a tellement floppé, là. Ouais, mais vraiment. Là, il annonce un Reborn, là. Ouais. Un Reborn avec Zachary Levi. Ouais, j'ai hâte de voir, mais en même temps, j'ai peur d'être à nouveau déçu. Ouais, non, j'avoue. Mais une franchise que je verrais bien, X-Men, ça pourrait être intéressant. Il y a eu des spéculations sur lesquelles il est en train de travailler sur un téléfilm. Pas un téléfilm, mais une série télé. X-Men. Ça pourrait être intéressant, je pense. Le problème, c'est d'avoir le budget pour tout faire, les effets spéciaux. Puis c'est souvent ça le problème avec les l'avantage de Daredevil par rapport à Arrow, c'est entre autres les combats. On sent qu'il y a plus de budget dans Daredevil parce que les fights sont super bons, c'est dynamique, puis ils ont de l'air à se frapper pour vrai. Dans Arrow, c'est mou. Dès que ça se bat, tu fais comme... OK. Arrêtez de vous battre, ça donne rien, j'y crois pas, là. Mm-hmm. Mais tu parlais tantôt du fait que les effets spéciaux... Il y aurait eu trop de besoin d'effets spéciaux. Avant de répondre à ça, écoute Flash. Okay. Tu vas être surpris. Parce que de mon côté, regarde, on parle de méchants en CGI, on parle d'effets spéciaux qui sont vraiment ça à coche. Donc, je te dirais qu'on est rendu à un stade où ce que les émissions de télévision maintenant acceptent les effets spéciaux. Donc, une série télé de X-Men, je pourrais y croire. Ouais. Parce que de toute façon, si on y va avec des séries qui ont eu beaucoup besoin de CGI, on a juste à penser à Stargate, on peut penser à d'autres séries comme... Ouais, des exemples. Heroes est un très bon exemple. Tu sais, de Flash qui est très très bon puis qui commence à surpasser. Moi je dis que maintenant on n'est plus... La barrière du « on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas d'effets spéciaux », c'est plus valide. On est rendu là. Intéressant. Et en terminant, je veux. On monte un fight, là. Tu sais, un event de quoi d'incroyable, là, de awesome, le top du top du top. Peu importe la gang, à qui appartient les personnages. Ça peut être crossover d'entreprise, d'époque, de, tu sais, peu importe, là. Je veux le top du top, le fight que tout le monde voudrait voir. Puis toi, t'es comme le promoteur du combat, puis c'est toi qui organise le setup, là. Ok, c'est genre des deux concurrents que je verrais se battre, là. Ouais, exactement. Peu importe. Ouais. JB fait son Don King, là. Ouais, exactement. Budget limité, là. Tu awesomeness, là. Tu sais, le top du top, là. Ok. Eh ben, c'est une méchante bonne. Superman versus The Hulk. Peu importe. Intéressant, peu importe quoi. Intéressant, ouais. Peu importe. Moi, je verrais Superman versus Son Goku. Qui était fait d'ailleurs dans un super Beatdown. Battle of History. Je sais pas. Ça me dit rien. T'as pas vu le. En tout cas, bon, ouais, ça, je te trouve le lien, là. Mais... Battle, là. Ouais, Epic Battle. Ouais, ouais. Ça a été fait. Ouais. Bon, c'est ok, je vais en trouver un autre. Non, c'est correct. Il n'y a pas de mauvaise réponse, là. Correct. Ant-Man versus un Schtroumpf. Et voilà, grand Schtroumpf. Nice! Attache ta tuque, Ant-Man, grand Schtroumpf, ça vient. C'est correct. Dans mon utile, ils sont des Schtroumpfs. Mais en tout cas, moi, je verrais ça. Tu sais, un crossover Superman contre Son Goku. Il a envoyé le lien. C'est bon. Thank you very much. Je te laisserai pas dans l'ignorance trop longtemps. Ah, merci. C'est vraiment ça. Toi, Luduc? Oui. Tu... J'ai déjà répondu. Ah, oui, okay, j'écoutais plus. Je fouillais pour la vidéo. Excusez. Non, il l'a dit. Répète. En gros, j'ai dit. Voyons, j'ai dit Hulk versus Superman. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. JB, t'as même répondu à ça. Vrai. En fait, comment? Ah ouais, c'est une idée. C'est une idée. Ça paraissait que t'écoutais pas. Là. Je suis petit, je rends du bon pour patcher. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai. Ouais, JB, ouais. Écoute, ça me prend Rocket Raccoon dans le tas. Juste parce qu'il est tellement drôle. Je vais. Écoute, un fight intéressant, ça pourrait être genre Rocket Raccoon contre. Je veux un autre qui est drôle, tu sais, genre. Ouais, mais c'est parce que Deadpool, c'est sûr qu'il n'y a aucune compétition. Là. Non, c'est comme. C'est... Ouais, j'étais pas loin avec mes Schtroumpfs et Ant-Man, finalement. Quand on regarde ça, là. Ouais, j'avoue. ok, oui, j'ai Groot contre Deadpool. Les deux sont comme simili-invincibles. Là. J'avoue. Ils peuvent plus ou moins mourir. Puis, tu sais, Groot qui pousse dans Deadpool, tu sais, à l'intérieur de celui-ci, puis le contrôler ou whatever, tu sais. Ça pourrait être cool, mais ça serait assez soft. Tu sais, Deadpool, genre, il ferait des blagues, puis I am Groot, super smooth à côté. Côté dynamique, ça serait un peu particulier. Mais tu sais, je pense que tout le monde attend Batman versus Superman. Tu sais, c'est. Ouais. Ça, c'est un classique en même temps. Je sais pas, là. J'ai un petit peu de misère avec cette rivalité-là. Là, t'sais. On sait tous que s'il n'y avait pas la kryptonite, adieu Batman. Là, t'sais, c'est... Je sais pas. Ouais. Là. Batman, Iron Man, ça pourrait être intéressant aussi. J'avoue. Ah oui, ça, tu vois déjà là. T'sais, robot pour surhumain. Octave versus Green Arrow. Ouais, tu sais, tous ces équivalents-là. Quicksilver versus The Flash. Flash, ouais. Mais tu sais, ou Hawkeye. Plus vite l'autre, là. T'sais. Mais même Hawkeye versus Bullseye. Ah, je trouve ça déjà bon, plus. Ça. Ou Deadshot. Deadshot versus Bullseye. Ah non, attends. J'aurais Deadpool contre l'autre, là, de l'univers de Batman, là, qu'on a vu dans Deathstroke. Ouais, ben oui, il y en a plusieurs qui le mentionnent. Ouais, mais. Deadpool contre Doomsday. Plus tu le frappes, plus il devient dur, Doomsday, fait que ça pourrait être intéressant. Mais Hulk contre Doomsday, ça pourrait être quelque chose. J'avoue, mais oui, ça serait... En tout cas, à suivre. Il y en a pas mal, hein. Ça arrivera jamais, mais ça serait cool. Ah ouais. C'est là, c'est le moment, là. On est comme rendu à la fin. J'ai comme une petite tristesse intérieure. Ouais. Une tristesse intérieure. Peux-tu revenir, JB? Ouais, écoute, invite-toi. T'as je comme ça t'inviter. Si toi t'as une tristesse, moi je soulage. Oh. J'essaie d'être fin, mais il détruit tout le temps tout. Regarde, Luduc, t'as vu là? Moi, je fais des efforts pour que notre relation se fonctionne. Ouais. C'est tout de la faute à Daniel. Attends, comment ça, notre relation? Là, je biche mal à l'aise. Je ne savais pas qu'on avait une relation. Depuis qu'on m'a parlé de la comparaison avec Groot et Rocket Raccoon, j'arrête pas d'imaginer que j'y parle avec Groot et Rocket Raccoon. Ah, c'est malade. Je me sens comme Star-Lord en ce moment. Je fais comme, OK, si je fais ici, moi. Luduc, mettons là, qu'on voudrait te rejoindre là, ces internets, tes projets tout ça. Là, on irait où, là? Ben, directement sur Facebook, tapez Luduc Art, c'est-à-dire L-U-D-U-C-A-R-T, ou sinon, allez voir directement sur la chaîne YouTube luduc.tv. Écrivez-moi directement à info@commercialluduc.tv. Ça fait toujours plaisir de vous répondre. Habituellement, je vous réponds dans la journée. Puis si je vous réponds pas, ben, c'est parce que j'ai une méchante bonne raison. Ben, merci de nous le dire. C'est drôle, c'est le fun, c'est sympathique, ça fait changement de Daniel. Daniel qui il répond jamais. Il est tout le contraire. Oui, je veux juste te dire, tu tiens ça à tes malheurs. Vous voyez, il me menace, c'est de la violence. Daniel, où on te retrouve pour oui, pour Twitter. Pour commencer là, là. Genre là. Twitter à Draco ADG, sinon différents portails web sur lesquels j'écris, affairesdegas.com, m2gaming.ca et plegendaire.com. Mon nom, quoi que la semaine passée, il n'était pas là. J'ai vu mon article par contre dans le métro, mais je peux comprendre l'article, ça prêtait peut-être moins bien. Mais vous pouvez voir mon nom sur les écrans du métro de Montréal chaque jeudi et samedi. Donc, mes textes de jeux vidéo d'affaires de gars y apparaissent. Évidemment, pas au complet parce que c'est ça. J'ai un petit peu de misère avec la synthèse, mais c'est possible que vous voyez mon nom. J'en suis d'ailleurs très fier. Sinon. C'est sûr qu'il a fait de la critique de Mortal Kombat X? Non. Non, c'est pas le seul que j'ai vu, c'est pour ça. Là. Non, pas dans le journal métro, vraiment les écrans. Ah, ok, dans le journal métro, excuse-moi. Okay. Non, le journal métro, c'est Mathieu Roy. Mais moi, c'est vraiment sur les écrans là, avec Métrovision. Donc, ok, ouais, c'est ça que je te parlais. Là. C'est ça. En gros, j'avais vu une annonce de Mortal Kombat X, mais c'était une genre de critique. Là. C'est une critique. J'ai parlé de Mortal Kombat X, mais c'était pour dire que ça s'en venait en avril. Fait que ah, c'est... ok, bah, c'est ça. C'est ça. Ça, c'était moi. Mais cette semaine, entre autres, il y a la critique de Bloodborne qui est disponible sur les écrans. Donc, voilà. Sinon, j'ai du monde des fois qui m'ajoute sur Facebook, puis je suis comme pas sûr. Fait que sont comme en suspens. Là. C'est tout à cause de nous autres. oui, non, ça se peut bien. Mais bon, prenez-le pas personnel. C'est juste sur Facebook, des fois, c'est plus personnel que Twitter. Fait que je suis un petit peu plus réticent. Mais prenez une chance, comme je vous dis. Prenez une chance. Fait que voilà, puis toi, mon JB? Ben, moi, t'es assez tranquille. L'université, plus que d'autres choses de ce temps-là. Fait que c'est relax, c'est projet. Sinon, ben, personnellement, Twitter, @gangj_B, facebook.com. Ben, cherchez JB Gagné, j'ajoute tout le monde. Moi, je suis bien blood. Je suis blood. Attends, on parle pas de gang de rue, là. Non. Ah, ok, c'est bon. Non, juste comme sympathique. Ah, ok, c'est bon. Parce que t'as dit blood, là. Je te connais. Il est bien blood. Sinon, réalité augmentée, c'est vous qui gère les comptes officiels à Réalité Hug. Ça, c'est Twitter, facebook.com, / Réalité Hug. Hug, bien sûr, pour AUG, pour augmenter. Et Réalité Hug @gmail.com. Non, c'est Outlook. Oui, c'est Outlook. On le sait. RealityHug@outlook.com pour notre adresse courriel ou nous rejoindre ou RealityHug.com pour retrouver le dépôt des émissions sur notre site internet qui vaut vraiment pas cher parce qu'on met rien dessus. On est de même. Ouais, ça n'allait pas 27 pièces la dernière fois. C'est une affaire de même. En tout cas, c'est, ça vaut moins cher qu'un abonnement mensuel pour payer les serveurs. En tout cas, merci d'avoir été là, Luduc. Ben, ça fait plaisir. Merci pour la belle invitation. Ben, écoute, on est de même, on est blood. Et merci, Daniel. Non, on n'est pas blood, là. Non. Hey, wow, calme-toi, là. On n'est pas blood, là. On n'est pas dans les tours nord, là. On en a parlé l'autre fois, JB. Ramène-moi pas là-dessus, on va faire encore 1 an et demi. Fait que, merci, JB. À la prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été du rendez-vous. Et, un autre élément de la réalité augmentée. Salut! Bye! Woo!